Voltage. The radio. This is Niels Van Zandt. And Emily Brown. Unified. C'est ici que tout démarre. Fun Radio. Le son dance floor. Un message officiel d'intérêt public. Mesdames et messieurs, le programme qui va suivre n'a aucun sens et est dépourvu de logique. N'essayez pas de comprendre ces individus et leurs leaders, car ils sont totalement débiles et attardés. Nous nous excusons à l'avance pour tout propos déplacé ou choquant qui vous donnerait l'envie de vous cracher avec votre véhicule ou de porter plainte à la police. Ça ne servirait à rien puisqu'ils nous écoutent aussi et rigolent de nos blagues. N'essayez pas non plus de changer de poste de radio. Il est coincé. N'essayez pas de le toucher, vous allez vous électrocuter. N'essayez tout simplement pas de zapper. Ou nous allons vous rechercher et vous trouver chez vous quand vous y attendez le moins. Genre, dans votre salle de bain. Ou alors, au petit coin. Merci pour votre attention et nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de l'émission. Vince, du dimanche au jeudi, 20h-23h sur Fun Radio. Salut. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez les gars? Oui. Ah, ça fait plaisir. En direct sur Fun Radio comme tous les soirs, 20h-23h. Bon les gars, je suis dans une situation très très très délicate. Alors je vais vous expliquer ce qui se passe. Bon, pour les auditeurs qui sont pas au courant, on a voulu fêter et on va fêter d'ailleurs la fin de la libre antenne. Bon, la fin ce sera officiellement demain, mais en tout cas je voulais faire un truc en public aujourd'hui et ça se passe bien puisque on est là et le matos fonctionne, ce qui est déjà un truc miraculeux de ouf. Donc je me rends compte que maintenant on peut faire une émission à distance avec un micro, un écran. Donc tout va bien. Par contre, il y a une pluie qui s'est abattue ici à la Grenouillère, à Lezan-Hainaut, là près de Hatte. Pour le summer break, on a 2000 personnes qui doivent venir et il y avait plein de gens devant. Et comme la pluie, mais laissez tomber, c'est une drache de ouf. Tout le monde est rentré à l'intérieur. Donc là, je suis en train d'animer pour les fans de chez Fan qui sont devant et qui sont tout mouillés. Bon, sinon, comment ça va de votre côté? En même temps, Vince, pour la fin de la libre antenne, c'était normal qu'il y avait le déluge. C'est la fin du monde, quoi. C'est vrai que c'est compliqué dans ce genre de cas. Bon alors Kaufman, quoi de neuf? T'as fait quoi de beau aujourd'hui là? Ah écoute, j'ai travaillé, beaucoup travaillé. Et puis là on va se détendre pendant 3 heures parce que c'est l'avant-dernière comme tu l'as dit. Oh là là, et les gars. Bon alors, est-ce que tonton Roger est là par hasard? Je suis là. Oh tonton Roger, ça fait plaisir de t'entendre. Hey, tu m'as pas donné de nouvelles, comment tu vas dis? Bien et toi? Bah ça va, tonton Roger, t'as trouvé une piscine pour demain ou quoi? Mais j'ai cherché justement, donc ça m'a empêché de travailler. J'ai cherché aujourd'hui, malheureusement c'est pas réalisable. Oh non, non, comment ça? J'entends que c'est pas réalisable dans ma propre émission. C'est malheureusement sinon trop cher. Bah c'est combien trop cher? Bah écoute, ça dépassait 1000 euros parce qu'ils doivent quand même payer. C'est bon, c'est trop cher, c'est trop cher, ouais, c'est trop cher, c'est trop cher. Bon, comment va Coralie au standard? Mais ça va super. Ah parfait, 02851 4x0. Si vous voulez être les derniers auditeurs à passer dans la libre antenne, eh bien soyez les bienvenus aujourd'hui et demain. Et bien sûr, comment va le Franzosich? Ça va et toi Vince? Eh ben écoute, ça va. Alors je vous explique, il m'est arrivé un truc de ouf un peu avant de commencer l'émission. Alors bon, pour vous expliquer, donc je suis ici en direct du Summer Break et c'est fort parce qu'il y a des auditeurs qui sont en train d'écouter avec leur petit téléphone là-bas de l'autre côté, à l'abri, parce que la pluie a commencé à s'abattre de manière très très sérieuse. Et ce qui est assez drôle en fait, c'est que on m'a mis une tonnelle pour protéger de la pluie. Ouais. Sauf que c'est une tonnelle qui, comment je peux vous expliquer, qui ne retient pas la pluie. Et donc à un moment donné, moi je suis à côté de Denis, hein, des photographes de mon incroyable école, et Cardel bien sûr, nos ouais, collaborateurs de la Libre Antenne. Et on se dit mais il pleut. Mais on se dit mais non, c'est pas possible, on est en dessous. Et après on se dit mais les gars, la pluie elle tombe quand même verticalement, elle tombe pas horizontalement, donc il y a un problème. Et on a capté effectivement, et la tonnelle ne retient pas la pluie. Donc j'ai commencé à animer avec une table de mix mouillée. Donc si jamais ce soir vous entendez un bruit genre ouais, comme ça vous savez. En attendant les amis, pas mal de conneries ce soir au programme de l'émission. Comme d'hab, on va pas changer le programme pour ce soir. Et à quoi de prévu, Franzosich? Et c'est Kaufmann qui a le programme aujourd'hui. Ah bon, c'est Kaufmann, ouais, c'est nouveau ça. Bah il monte en grade. Kaufmann. Bah ouais, il fait les boutons, il pousse les boutons. Bah il y a la question insolite, il y a la battle du jour. Comme d'habitude, on vous demandera ce que vous préférez. Et d'ailleurs, on vous demande déjà ce que vous préférez entre Internet Explorer, Mozilla, Google, enfin tous les navigateurs internet. Il y aura le Gizmo 5, il y aura The Mission en replay. Ouais. Un des meilleurs moments de The Mission. Il y aura le jeu du post-it, il y aura un replay du TTFX, un des meilleurs moments également. Et puis on finira en beauté avec Dominique et ce qui s'est passé lundi, si je ne me trompe pas. C'est ça. Mais c'était, tu ne trompes pas du tout, effectivement, puisqu'on a envoyé tonton Roger à la rencontre de Dominique. Alors on a essayé, je sais que toute la journée, on a essayé de joindre Dominique pour voir si le mec était encore un petit peu dispo ou machin chose. Mais là, c'est messagerie vocale chez messagerie vocale. On va essayer ce soir pour tenter d'avoir en live. Mais j'ai quand même le sentiment que va falloir faire un massage cardiaque. Mais j'ai l'impression qu'on l'a perdu, le Dominique. Enfin, il est pas mort, quoi. Je vous rassure, il est pas mort. C'est juste que on l'a un tout petit peu perdu, quoi. Donc, à mon avis, il a changé de numéro. Comment on est arrivé chez lui et tout. Il s'est dit, mais comment? Mais le mec, plein de fois, il nous a donné son adresse et c'est ça qui est magique. Et on avait peur au début et c'était bel et bien la bonne. Donc vous allez réentendre ça tout à l'heure sur Fun Radio. Vos messages au 3044, vous pouvez me les envoyer. Et puis, Franzosich, n'hésite pas, tu peux toujours m'envoyer le programme de ce soir aussi sur mon Facebook. Oui, hein, si tu veux, je vais te l'envoyer. très bien, bon, parfait. En attendant, les amis, question insolite. Il s'est passé des trucs dans l'actu insolite. Ouais. Et je vais laisser justement le Franzosich nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Ah, Kaufmann, et c'est tout Kaufmann ce soir. Tout Kaufmann, tout pour lui. Je t'avoue que je n'étais pas au courant, autrement je ne serais pas venu. Mais tu sais, en Biélorussie, il y a des gens qui vont au bureau, mais ils y vont d'une manière assez spéciale. Et c'était dû à un lapsus du président carrément biélorusse qui a fait un lapsus. Et donc ça a entraîné que les employés de bureau y ont été, mais d'une manière assez particulière. Ouais, c'est ça. Alors à ton avis, comment Vince? Je sais pas, ils ont été en moonwalk. Ça aurait pu, mais c'est pas encore tout à fait ça. Alors, je sais, ils sont venus en hoverboard. Ah, comme non, toi. Non. Donc, on est bien d'accord que tous ces gens-là, ces Biélorusses, ont été au boulot, oui, d'une certaine manière, suite à un lapsus du président biélorusse. Ouais, en fait, il s'est trompé dans ce qu'il voulait dire. À la base, il voulait parler à ses concitoyens, leur dire il faut vous développer, il faut travailler. Et puis, il a fait un lapsus, et puis, résultat, tout est parti en couille, si on peut dire ça comme ça. D'accord, ok. Bon, je suis très curieux. C'est le lendemain que ça s'est passé, alors? Ouais. Ouais, attends, ils sont arrivés avec les cheveux à l'air. Ah! Je sais pas, c'est une idée, tu vois. Ils ont pas attaché leurs cheveux ou ils ont les cheveux pétés en l'air. Ah, pas mal ça. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que. Si maintenant Charles Michel fait un lapsus, comment. Ah, je vais venir en Bermuda. Genre, c'est une journée du Bermuda. On s'en approche, mais c'est pas encore ça. Okay. Bon, bah, si jamais vous avez la bonne réponse, parce que moi je la connais pas du tout, j'ai pas l'info. D'habitude, je l'ai toujours sur les yeux. Alors, allez-y par SMS au 3044, hein, si vous avez une idée. Alors, toi, tonton Roger, qui est toujours très près, est-ce que t'as très proche, t'as une idée, toi? Ouais, habillé en prenant une bouteille de vodka, non? Biélorussie, vodka, ouais, c'était facile. Hein. C'est pas un cliché, ça. Hein. Tu proposes quoi, toi, Coralie? Bah, je pensais exactement la même chose que Roger, en fait. Oh, la bande de soulards que j'ai. En même temps, Coralie s'est bien pété la main en étant bourré après une sortie du You. Donc, sur un poteau. Non. Sur un poteau. Les larmes de Coralie, poteau. C'est de la vodka. Hein. Voilà. Ah, okay, merci, d'accord. Allons boire Coralie, tout va bien. Bon bah les amis, si jamais vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez par SMS au 3044. Et qu'est-ce qu'on va s'écouter tout de suite, la Françoisiche? Major Lazer. Major Lazer, c'est ouais. Bon ça, c'est une gueule. Vas-y, prononce-le. All my love. Là, je connais. All my quoi? All my love. Ça veut dire tout mon amour. Je connais, hein. Tu la connais, vas-y, chante-la. Non, quand même pas, faut pas abuser. Là, on va laisser faire. Allez, bienvenue sur Fond Radio, c'est parti pour Major Lazer et Call My Love. On est en direct de la Grenouillère du côté de Hattes-le-Zan-Hainaut pour le summer break avec une pluie diluvienne de ouf, ce qui veut dire que tout le monde s'est caché à l'intérieur. Et je suis en train de résister à la pluie. A tout de suite sur Fond Radio Libre Antenne. Bienvenue sur Fun Radio, en direct sur Fun, la libre antenne. J'espère que ça se passe bien de votre côté. Tranquille, ça va la team? Ouais. Voilà qui fait plaisir. Bon les amis, je ne suis pas avec tous les autres membres de l'équipe. Alors d'habitude on fait l'émission depuis le 33 avenue Télémac. Là pour le coup je suis à la Grenouillère. D'ailleurs vous êtes bienvenus si vous voulez nous rejoindre sous la pluie au summer break. Puisque aujourd'hui c'est un événement très spécial. On avait proposé à tous les auditeurs de nous rejoindre. Il y en a pas mal qui sont là mais qui sont à l'intérieur. Et, parce que ouais non mais c'est très sérieux. Alors j'ai pas envie d'utiliser le mot bide parce que dès que la pluie va s'arrêter tout le monde va sortir. Mais laissez tomber la pluie. Et là, elle m'a niqué le moral. Et tu le mixais à quelle heure, Vince? Alors à la base je devais mixer plus ou moins vers 19h un petit peu avant et tout. Mais moi ce qu'on va faire c'est que je vais mixer vers 21h. Alors ça dépend puisque comme ça se passe à l'intérieur et que normalement je devais faire ça en extérieur, on va un petit peu tenter d'adapter et puis faire des petits délires. Donc vous aurez certainement l'occasion d'animer ensemble pendant que je vais mixer ici pour tous les auditeurs. Il y a pas mal d'auditeurs qui sont là parce que je suis à peine arrivé, qu'on m'a demandé des photos, des dédicaces et tout ça, ce qui fait vachement plaisir. Et puis pas mal d'auditeurs qui sont aussi très timides. Mais en tout cas c'est sûr que la pluie j'ai envie de lui dire je la nique. Alors je sais pas comment je peux faire, mais c'est sûr qu'elle est relou pour le coup là. C'est sérieux quoi les mecs, on est mercredi 29 juin et il pleut comme si on était en automne. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est, oui, vrai. C'est la Belgique hein. Bon, on va arrêter de se plaindre. Là c'est pas que c'est la Belgique. Là il y a vraiment un problème climat là, c'est pas possible. Hein. Non, ma grand-mère. Bon, oui, dis-moi. Ma grand-mère disait en Belgique quand il ne pleut pas, c'est qu'il a plu ou qu'il va pleuvoir. Pas mal. Et ta grand-mère disait, donc elle est encore là ta grand-mère? Non, malheureusement. Bien, elle est emportée par un torrent de pluie, voilà. Oh, c'est méchant, c'est méchant. Alors on dit coucou Vince, que ce serait possible de te recevoir à ma... j'ai pas reçu du message. À la maison, pour un petit apéro. À ma maison. Voilà, pour un petit apéro, je suis allé manger un bout avec Evan, la tribu. Mes enfants sont fans de toi, est-ce que c'est possible? Ouais, bien sûr, y a pas de problème. D'ailleurs, si jamais t'es en vadrouille, n'hésite pas à me rejoindre du côté de... Mais pourquoi de que lui? Invite-toi pour l'apéro. Enfin, c'est vrai qu'avec Coralie, ça coûte très cher. Hey, Kaufman, excuse-moi, toi, tu vas dans les restos, tu dis salut, c'est Kaufman, et tu sois bouffé. C'est vrai. Ça va quoi? Une soirée avec Vince, que du bonheur en direct de la Grenouillère. Un petit message qui est envoyé au 3044. Alors, les amis, si vous trouvez la bonne réponse, qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Biélorussie? Dès que le président biélorusse a fait une petite bourde, il a. Visiblement, il a. Il a lapsucé. Il a lapsucé, voilà. Il a lapsucé, c'est très original de faire lapsucé. Voilà. Et bon, il a sucé par intermittence. Donc, il a pas lapsus, il a dit une connerie. Mais qu'est-ce qu'il a pu dire pour que, justement, tout le monde arrive au boulot le lendemain dans un cadre bizarre? C'est-à-dire que les gens sont venus différemment au boulot. C'est bien ça, hein, ouais, comprenne. En fait, ils ont pris au pied de la lettre ce que leur président avait dit. Et donc, à la base, il voulait dire se développer et travailler. Maintenant, je vous laisse deviner ce qu'il a dit. Se développer et travailler, qu'est-ce qu'il a pu dire? Bah, si vous avez la bonne réponse, allez-y au 3044. Je vous souhaite officiellement bonne merde. Et on a le son de Calvin Harris qui va arriver avec Rihanna. This is what you came for. Pour une fois, je l'ai bien dit, tiens, c'est génial. Voilà, c'est ce qui va débarquer tout de suite sur Fun Radio. On est en libre antenne avec toute la team en live au message au 3044. Bienvenue. Yeah! Moi, voix de Fun Radio, j'écoute Vince de 20h à 23h car ça met de bonne humeur! Gagnez votre paire de baskets Nike personnalisées grâce à Fun Radio. Fun. Dès lundi, écoutez Evan et la tribu de 6h à 9h. Et gagnez votre paire de baskets Nike entièrement personnalisées par vos soins en envoyant Nike au 6322. Un nouveau message. Merci Fun Radio, merci. Les cadeaux les plus fun, c'est uniquement sur Fun Radio. Le son dance floor. Fun Radio. Fun. Le son dance floor. She's Miss California, heard a thing and wants to lay, housing by the water, save the yacht across the bay, drive the Marinello, Hollywood's a favorite scene, loves to be surrounded, superstar they know her name. She's Miss California, heard a thing and wants to lay. Mais je résiste. Loin, je dois rester loin de cette fille-là. Pourtant, même si tout nous oppose, raison, tentation, pourtant j'hésite. Lorsque je plonge dans ses yeux noirs, c'est toujours la même histoire, la même envie de la serrer fort contre moi jusqu'au bout de la nuit. She's Miss California. Heard a thing who wants to lay. Housing by the water. Say the yacht across the bay. Mieux pourquoi? She's Miss California, c'est trop pour moi. Superficielle, je crois. Je ne me vois pas perdu dans un monde qui ne me ressemble pas. Loin d'une réalité qu'elle a semblé oublier. Elle m'a emmené, j'ai voulu tenter le coup. Avec elle, j'ai voulu jouer. Mais l'amour m'a rendu fou. She's Miss California. Surrounded, superstar, they know her name. de 20h à 23h sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio, émission spéciale en direct de la Grenouillère. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs pour nous rejoindre. Ça se passe du côté de Lezan et nos hâtes pour le Summer Break, les amis, avec pas mal de gros DJ qui vont arriver tout à l'heure. On a Dimaro, je vais prendre aussi le contrôle des platines. Et on avait envie de célébrer, en fait, plus ou moins la fin de saison. Alors quand je dis plus ou moins, c'est que demain, c'est vraiment la dernière émission. Et d'ailleurs, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre pour la dernière. Il suffit d'envoyer un mail. Et la personne qui va être victime du mail, ça va être david@funradio.be. Oui, c'est pour toi. Tout le monde. Là, vous envoyez david@funradio.be, vous envoyez un petit mail en disant ah, j'ai bien envie de venir. Et si jamais vous l'ajoutez en même temps sur Facebook, la légende dit que vous recevez une PS4 sur Facebook. Voilà, bon, bougez pas, on va avoir Quentin dans le standard dans quelques secondes. Il y a toujours la battle du jour. Quel est votre navigateur internet préféré? Moi, je sais déjà qu'est-ce qu'il va gagner. Mais pour l'heure, voici Calvin Harris avec Rihanna. This is what you came for. Vas-y, Barbet, balance le son. Merci, François Zich. Yeah. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Everybody's watching her, but she's looking at you. Vince vous parle sur Fun Radio. En même temps, vous avez déjà entendu un animateur radio qui ne parlait pas? And I'm singing in the rain. Just singing in the rain. Bienvenue sur Fun Libre Antenne. Oui, Zach, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe, Zach? Dis-moi. Ah, dis-moi, je t'écoute. Les auditeurs qui t'entendent là, vas-y, dis-moi. Oh non, c'est pas grave, c'est une petite question pratique, Vince. Dis-moi, c'est quoi ta question pratique? Est-ce que tu préférais mixer à l'intérieur ou dehors? Ah, écoute, ça, je t'avoue qu'à l'intérieur, parce que j'ai pas envie d'être mouillé. Ça marche. Bienvenue sur Fondant de Liberté, il y a toute l'équipe qui est en place. Ouais, hein, ouais. Ça fait plaisir de vous entendre crier, les amis. Bon, bah, je vais vous expliquer ce qui se passe. Si vous venez de vous brancher sur Fun, ce soir, on fait une émission un petit peu spéciale, puisqu'on voulait être avec tous les auditeurs de la région de Hatt, de Lessines et tout ça, à un événement où ils sont vraiment de plus en plus nombreux. Ils arrivent tous, mais ils vont tous à l'intérieur parce qu'il pleut à verse. Alors, il est évident que j'étais super content de me dire on va venir, on va croiser les auditeurs et tout ça. Et d'ailleurs, on a quelques-uns qui sont ici avec moi et tout. Je me suis dit, on va se mettre bien, ça va être le gros délire. Mais sauf que la pluie est en train techniquement de tout gâcher. Alors c'est pas grave, on kiffe la vibe, on est là, on est bien. On va quand même s'amuser tout à l'heure, on va se faire plaisir. Et en attendant, je vous rappelle que l'émission va se passer normalement avec Barbet Françoisich qui est en direct de Bruxelles. Ça va Françoisich, tout va bien, tranquille? Ça va, nous on est à l'abri donc ça va hein, donc... Ah mais, on reçoit rien. Vous êtes vraiment au calme, alors j'adore parce que je vous sens mais perturbé parce que je suis pas avec vous. Mais non, non, non, non, on est bien justement, on s'endort. Au contraire, on kiffe la vibe nous aussi. J'attendais que quelqu'un dise non mais Vince, depuis que t'es pas là, je trouve que ça sent bon dans le studio. Aussi, aussi. Ouais, ok. Bon les amis, ce soir dans l'émission, on a pas mal de conneries, on a des demi-chaînes qui vont arriver, on a des meilleurs moments avec Dominique aussi. Ouais. C'est prévu pour ce soir. Et puis il y aura le battle du jour qu'on va démarrer dans quelques secondes. Oui. Alors dis-nous au 3044, est-ce que vous êtes plus Internet Explorer? Je vais y arriver. J'arrive pas à le prononcer tellement j'utilise jamais ce truc de merde. Mozilla Firefox, Google Chrome ou alors Safari. On a fait un petit sondage sur Facebook, on va tester ça. Et juste un truc, avant ça, on a Gaëtan qui est avec nous dans le standard là. Salut Gaëtan. C'est Quentin. Quentin, excuse-moi, sorry Quentin, m'en veux pas. T'es dégoûté Quentin? Tu m'en veux Quentin? Non, il y a pas de problème. Tu viens du Nantes 3.9, à savoir Mons. Mais Quentin, t'es pas très loin d'ici. Tu fais quoi là? Tu bosses ou tu glandes à la maison? Non, je viens juste de rentrer, je viens de rejoindre ma femme et mon fils. Ah d'accord, ok, ouais, donc t'es pas du genre à y sortir et te taper une petite soirée au calme. Non, il a pas envie d'aller surfer ce soir. Peut-être pas, non, mais c'est... et non plus pas aller surfer. Non mais les gars, c'est pire que surfer, c'est vers la plongée sous-marine. Il fait quel temps chez toi à Mons, Quentin? Gris, mais ça va. Gris, ah bah t'as de la chance que ça aille, hein, purée. Et chez vous à Bruxelles, là, il fait comment? Il fait comment? Et bah il fait gris aussi, hein. Bah si tu regardes les... Si tu regardes les fenêtres du studio, oui, il fait gris, mais c'est dehors. Mais dehors aussi, ouais, dehors, ça va. C'est entre nuageux et gris, donc ça va. Oh là là, hey, c'est vachement galère, hein. Bon, faux mois de juin. Enfin bref, en attendant, si t'es avec nous à l'antenne, Quentin, c'est parce que t'as trouvé la bonne réponse concernant le président biélorusse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait quoi, les travailleurs, en allant au boulot? En fait, ils se sont déshabillés parce que le président a fait un lapsus. Ouais, Kaufmann, c'est vrai. C'est vrai. C'est une bonne réponse. Putain. Bravo, bonne réponse. Bravo. En fait, le président a dit que, au lieu de dire qu'il fallait se développer et travailler, il a dit il faut vous déshabiller et travailler. Ouais, mais attends, les gens étaient au boulot en mode on va faire ce qu'il dit pour la blague. En mode à walpé, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, mais... ils l'ont pris au pied de la lettre, quoi. Au pied de la lettre, mais ils ont fait exprès, quoi. Genre, bah oui. Le gars. Il... Non mais attends, mais je sais pas, peut-être qu'il y a un peuple, ils se sont dit, ah venez les gars, on va vraiment à poil et tout. En mode, c'est sérieux, le président nous a demandé. Moi je suis sûr que Kim Jong-un en Corée du Nord, il demande aux gens d'aller à poil, ils vont aller à poil, tu vois. Ouais, ça c'est sûr, ouais. D'accord. Et putain les gars, je viens de flipper, j'ai vu une grosse coup. Je suis en dessous de la tonnelle avec le studio de Fun Radio. J'ai vu une cascade d'eau tomber devant ma gueule. Je me suis dit, mais t'es à Qualibi ou quoi la vérité? Eh ben franchement, je suis pas loin de là. Je suis persuadé que ça va être sponsorisé par Océane ici. Bon, Quentin, bravo à toi. Prends tes coordonnées tout de suite en antenne. Félicitations. Et ben profite bien de ton fils et ta femme ce soir. Hein. Ça va? Ok, ça va, merci. Bonne bourre, Quentin. Bon courage. Ciao, ciao. Bye bye. Bonne soirée, les gars. Bon, les amis, on va se mettre en moment geek dans l'émission. Ça arrive tous les dimanches avec le Fun Game. Mais là, on va parler sérieusement parce que c'est quand même un gros débat. Pourquoi est-ce que Microsoft continue à faire Internet Explorer? Mais parce qu'au départ, Explorer, c'était quand même le navigateur, le seul qui était valable. Et ensuite, la concurrence est venue. Mais c'est eux qui ont quand même initié la chose. Hein. Bon, tonton Roger, toi, t'es plus quoi? T'es plus. C'est quoi, Internet Explorer? Je le connais par cœur, c'est ça l'avantage, c'est que je sais le trafiquer comme je veux et tout le bazar, donc je fais ce que j'ai envie avec. Eh mais c'est ouf ça quand même. Alors, je connais depuis si longtemps, donc je connais toutes ces petites failles et autres pour qu'ils soient rapides et tout le bazar et pas avoir de cookies et autres conneries. Il s'y connaît trop. Tu manges pas les cookies, bon. Non. Alors toi Kaufman, tu utilises quoi? Moi Mozilla Firefox. Mozilla Firefox, pour le français aussi, ça donne quoi? Google Chrome. Ok, très bien, et Coralie? Google Chrome aussi. Ok, et ben moi j'utilise Google Chrome pareil. Ah bah oui, c'est plus simple. Alors non mais sérieusement, on va en parler. Alors on va accueillir dans le standard. J'ai envie d'accueillir déjà la personne qui s'appelle Mathéo, qui a 13 ans, qui utilise Safari, parce qu'on n'a pas encore parlé. Salut Mathéo. Salut. Salut. Non. Hello. Voilà, petite discussion tranquille là comme ça. On n'est pas là pour parler de débat, de Brexit, etc. avec Mathéo. Donc bon, toi tu préfères Safari, c'est ça? Ouais. Mais pourquoi tu utilises un Mac? Non, j'ai un iPhone et un iPad. Un iPad, sur un iPad. D'accord. Ah ouais, sur iPad. Bah là, t'es obligé de l'utiliser, ouais, quasi quoi. Ouais, t'es obligé. Bah, il est, je crois qu'il est en source et tout. Mais ouais, c'est natif. Il y a moyen de... C'est le programme natif. Voilà, c'est ça. Mais je crois qu'il y a quand même moyen de télécharger Google Chrome en app. Et qu'est-ce qui te plaît plus, Mathéo, dans le Safari plutôt que le reste? Bah, je sais pas, moi, c'est juste une question d'habitude. C'est une question d'habitude. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, c'est vrai que si t'es lancé dans le truc à la longue, bah tu changes plus quoi. On a Nordine qui est là, salut Nordine. Salut. Yo, bienvenue sur Fun. Ça va Nordine? Ça va et toi? Bah ça va bien, écoute, à part que je suis sous la pluie, que je suis presque trempé, mais tout va bien. C'est une émission un peu spéciale. Ouais, non mais laisse tomber, et à un moment donné tu te dis, non mais les gars, le temps est sous nos gueules. Parce que, comme l'avait dit François Zich, quand il revenait de France dimanche, ouais, il faisait beau, il a traversé la frontière, boum, de la pluie. C'est ça, ouais. C'est comme dans les dessins animés, tu sais, quand t'as pas de chance, t'as un nuage qui te suit et qui pleut sur toi uniquement. Et ben, la Belgique a pas de chance là pour l'instant, c'est ouf. Bon, Nordine, tu utilises quoi toi? Mozilla Firefox ou Google Chrome. Moi c'est les deux. Google Chrome, d'accord. Bah c'est bien, tu vois, t'es déjà pas dans la famille des explorers toi. Parce que... Non, ça c'est pour les vieux ça. T'as pas l'impression de Nordine que Firefox il ralentit vite lui? Oui. Ah, ouais. Il m'a juste dit oui. C'est juste pour son logo. Merci. Ah, juste pour le logo que tu kiffes Firefox en fait. Ah oui. D'accord, non mais alors y a quand même une histoire derrière Kaufman. D'accord, Firefox c'est pas le premier truc qui est arrivé après Explorer et genre qui a tout raflé parce que y avait rien d'autre. Firefox il est effectivement arrivé juste après Explorer et si je me trompe pas, c'était quelque chose de totalement gratuit qui faisait appel au financement participatif. Autrement dit, tout le monde a pu contribuer au développement. Attendez les gars, excusez-moi, il se passe un truc ici. Attends, viens, c'est comment ton prénom? Jean-Luc. Comment, j'ai pas compris. Jean-Luc. Jean-Luc, je vous explique. Jean-Luc, c'est un auditeur, il est ici tranquille au calme. Et je vous ai parlé qu'il y a une cascade qui est tombée devant moi à un moment donné. Ouais, il l'a prise. Jean-Luc, c'est un auditeur. Il a été chopé à un balai. Et une raclette, il est en train dans le vélo. Merci Jean-Luc, t'es un auditeur extra. Merci Jean-Luc. Je pourrais t'engager à fond quand tu veux. Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Merci. Alors, c'est ouf, il a rougi d'un coup le mec. Il est devenu tout rouge là comme ça. Ah, ça fait plaisir. Alan Cardel qui est ici avec moi, il y a même pas pensé hein. En fait, il veut ma mort, Alan. Il veut que je me lève, que je meure et comme ça il prend ma place. Mais non. Alors, ouais. on a une personne avec nous, Jarno. Il est passé il y a pas très longtemps à l'antenne, il me semble à l'antenne. Il a 15 ans, salut Jarno. Salut. Yo Jarno, alors toi, tu préfères quoi comme moteur de recherche là pour le net? Google Chrome. Ah, monsieur est un chromé. Voilà, ça, c'est des bons choix. Là, on est bon, là. Et sinon, y a Bastien avec qui je voulais pas trop parler parce qu'il était explorer. Salut, Bastien. Bonsoir. Salut, Bastien. Bonsoir. Hello. Bon, Bastien. Salut. Alors, je vais t'écouter vraiment. Frangin, je vais vraiment t'écouter avec beaucoup d'attention parce que je voudrais savoir pourquoi tu utilises Explorer. Alors, parce que c'est le moteur de recherche que j'utilise depuis que je suis tout petit. Bing? Tu utilises Bing? Non. Non, Explorer. J'utilise Explorer. Ouais, mais le moteur de recherche qui est affilié à Explorer, c'est Bing. Ah, c'est Bing. C'est Microsoft. Ah oui, ok, je savais pas ça. Non, mais que tu surveilles ton langage, s'il te plaît, Bastien. Ok, à part ça, pourquoi tu utilises Explorer? Tu trouves que ça fonctionne bien? Bah, je sais pas, je trouve que l'interface est beau, etc. Que mais ça moi, n'a ça, quand même ça, jamais ça, fonctionné moi, ouais, moi, pour moi, ça fonctionne bien, quoi. Ouais, c'est ça, t'es le seul. J'ai l'impression que... Et sérieusement, Internet Explorer, je vais clasher ça à Microsoft, si vous nous écoutez, arrêtez les mecs. Ça sert à rien de continuer à vous obstiner à faire des moteurs de recherche qui ne fonctionnent pas. Parce que je crois que c'est le pire pour les virus, c'est vraiment la galère. Et d'ailleurs, je demande à mon François de mettre une petite musique de suspense, parce que tout de suite, on va donner le résultat. Ah, très bien. De qui a gagné parmi... Il y a les gens qui ne savent pas utiliser Internet, etc., qui ont des virus et qui vont s'y... Sur des sites où c'est cramé, qu'il y a un peu de virus. Après, faut savoir utiliser son ordinateur. Oh, c'est pas grave si t'es con. Hein. Faut surtout pas aller sur les sites porno, quoi. C'est méchant. Alors les amis, il y a eu 2000 votes, c'est énorme. C'est vraiment énorme pour ces battles du jour. C'est un peu énorme comme ma bite. On peut déjà... Alors, tu sais, quand t'entends une petite voix fluette qui dit c'est énorme comme ma bite, tu dis que le mec il est tout petit, il a une teub énorme, tu vois. Tu peux commencer par le bas du classement, Vince, avec 158 votes. Il est encore plus haut de la voix, il dit qu'il a une grosse bite, s'il te plaît. Alors attention, les amis, je vous explique. Pour l'instant, nous avons... à raison de 167 votes. Ah, ça a augmenté alors. 167 votes, vous avez, et je vais vous le préciser, Internet Explorer. Oui, ok. Donc c'est le pire. Et sur 2000, hein, c'est quand même une grosse claque. Hein. Ouais, c'est le pire. C'est les choix des auditeurs. C'est sur Facebook. Alors attention, en numéro 3, nous avons à raison de 266 likes. Oui. Firefox. Exact. Je pensais que vous allez avoir plus. Moi aussi, beaucoup plus. Ouais, moi aussi. Ouais. Nous avons. À raison de 1200 likes et qui gagne. Ah. Safari. Non. Eh ben non, c'est Chrome qui pète Safari, mais voilà. Pète sa mère. Ah, victoire de Chrome alors. Ouais. Victoire de Google Chrome. Et Safari reste à 335 votes. Ah, voilà. Ok. Et c'est dingue parce que c'est la dernière arrivée quand même, Chrome. Bah ouais, mais c'est avec les tablettes. Hein. C'est le navigateur de Google aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est le plus fort Google. C'est normal, il y a plus de gens qui utilisent ça pour regarder du porno, pardon. Mais c'est le petit qui s'y colle là ce soir. Ah ouais, il est fou. Mais Mathéo, dis ton langage. Quoi? Bon, c'est le bordel, les gars. Tu connais bien. C'est Mathéo qui parle ça. C'est Mathéo qui fait le bordel. Et moi, quand je voulais... hey, moi, les gars, quand vous parlez, je vous laisse parler. Hein. Bah, il parle à sa mère ou à son père, lui. Bah oui, il est au téléphone, laissez-le. Bon, alors, sérieusement, moi, ça m'étonne pas que Chrome ait gagné, c'est normal. Je vais le vendre, je vais en faire la pub. C'est le meilleur niveau extension. Voilà, il y a moyen de mettre Adblock. Et Adblock, c'est juste miraculeux après tout le monde sur les autres. Mais quand même, au moins, Adblock, tu te ramasses pas les pubs de YouTube et tout ça. C'est facile. Ouais, c'est vrai. Donc c'est tout à fait légitime, 1200 sur 2000, ça fait un sacré pourcentage. Mais... Les amis, tout de suite, oui, dis-moi. Non, t'as en plus la confirmation de Franz Sosich, qui, comme tout le monde le sait à la radio, est le gars qui a le plus de virus sur son PC. Ah non, mais à mort, hein. Alors j'adore parce qu'il y a des messages qui arrivent au 3044 et quelqu'un qui me dit Vince voulait une piscine, eh bien il va l'avoir, mais à Leuze, Pete de Vince. Ah non, mais Big pas qu'un Pete. Peu, hein. Bah Vince, vos messages au 3044, n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de signer avec Vince ou d'écrire Vince devant, vous pouvez les envoyer tranquille au 3044, on les check en direct. Il y a quelqu'un qui me dit Vince, je pars ce soir en direction du Maroc et je vous fais des gros bisous, merci pour cette année de fou. Et bah merci à toi Shams aussi d'être passé nous faire un petit coup. Merci à lui. Et quelqu'un qui me dit grosse incompréhension avec ma collègue de travail quand elle m'a proposé de décharger sur elle. Si quelqu'un connaît un bon avocat, okay. Oh là là. Bon, merci pour ton message. Microsoft remplace cet Explorer par Edge. Non, on me demande. Ah, peut-être qu'il va y avoir un truc comme ça. Faudrait voir à Kaufman, celui qui s'y connaît. Écoute, j'ai pas encore parlé au patron de Google, mais je te dis ça dans quelques minutes, le temps de lui passer un coup de fil. Bon, parfait. Les amis, tout de suite, on aura le Give Me Five que vous allez gérer entre vous, les gars, parce que moi je vais partir mixer. Ok. Donc, vous aurez Alan en connexion pendant un moment. Alan Cardel, jeune DJ, prometteur de Fun Radio et en même temps co-organisateur de mon incroyable école. Merci aussi à Kaufman, quand même. Hein, ouais. Et donc, du coup, c'est lui qui va prendre le relais pendant un petit moment. Le temps que je mixe ici pour tous les auditeurs, il y en a 1000 qui attendent à l'intérieur parce que dehors il pleut et c'est dehors qu'on est situé. Donc, à la grenouillère. Tranquille, on a également un demi-chaîne qui va arriver tout à l'heure sur Fun Radio, des demi-chaînes que vous avez demandé très nombreux sur la page Libre Antenne Vin sur Facebook. Oui. On aura du TTFX tout à l'heure, on aura du Dominique, le Relou Style. On a en direct depuis l'avenue Télémac 33 à Bruxelles et puis également ici en direct de Leuzan Hainaut, hâte pour le Summer Break. Tout de suite sur Fun Radio, c'est Big Flo et Oli avec Mito. On arrive tout de suite sur Fun Radio. Bienvenue. C'est pour les potes d'un pote mythomane. Pire qu'une drogue, à chaque fois ça trop mal, je voudrais qu'il me l'avoue, qu'il me le dise, c'est tout, depuis qu'il ment, comme il respire, je m'étouffe. Allô docteur, je me sens mal, j'ai peur, je crois que mon pote est mythomane. Il déconne, je le soupçonne depuis des mois, j'ai surpris en train de répéter ses phrases avant de rentrer chez moi. Il commande une pizza mais dit que c'est lui qui cuisine, pour faire croire qu'il est en couple, il traîne en ville avec sa cousine. C'est horrible, ça empire, comment faire, fils unique il m'a dit, sur la tête de mon frère. Ça devient gênant, je te jure j'ai peur de le voir, mais c'est mon pote alors je fais semblant de croire. J'entends oui quand il dit non, je connais toutes ses mimiques quand il parle, en live de Miami à la piscine municipale. Putain, ça devient difficile, je perds la raison, est-ce que c'est bien sa maison, est-ce qu'il nous a dit son vrai prénom. Je fais des tests, j'enquête, je deviens parano. Quand il se tait, je sais qu'il en prépare un autre. Le pire, c'est que je vais douter le jour où il va mourir. Je mélange le faux et la vérité dans tous mes souvenirs. Promis, j'irai cracher avec le sourire. Il me fait même plus marcher, il me fait courir. On a tous un pote, mytho. Tous un pote, mytho. Si t'as pas de pote, mytho, c'est que c'est toi le pote, mytho. On a tous un pote, mytho. Tous un pote, mytho. Si t'as pas de pote, mytho, c'est que c'est toi le pote, mytho. Tous un comme ça, une fille ou un gars. On l'aime même s'il dit n'importe quoi. On a tous un pote, mytho. Tous un pote, mytho. Si t'as mytho, c'est que c'est toi. Bon j'avoue, au départ, je pensais qu'il allait changer. Mais tu le connais à chaque fois, il finit par se laisser tenter. Bon j'avoue, au départ, je pensais qu'il allait changer. Mais tu le connais à chaque fois, il finit par se laisser tenter. Il a que des embrouilles, tu m'étonnes. Vu que tous les jours, il m'étonne. Quand on lui demande où sortent les infos qu'il nous donne, c'est www.mytho.com. Il est fort comme un bœuf, il fait que de grosses teufs. Il sort avec plein de meufs, au moins 29. Aucun mytho n'est trop gros, et quand on lui demande, il a perdu les photos. Il a la classe d'un acteur quand il joue. Il dit qu'il était dans le même club que Zizou. Ah ouais, je le connais bien moi. Non mais attends, pourquoi tu mens? Ça fait 10 ans que t'es remplaçant. Sur le banc. Il évite les conneries toute la journée avec les potes et nous pousse à bout. Faut qu'il évite, faut qu'il arrête, faut qu'on amène voir un marabout. Pathétique, il empire, c'est pathétique. Il pourrait dire que sa mère est morte pour un paquet de chips. Paraît qu'il est champion en toute catégorie. Que c'est le troisième frère de Big Flo et Oli. Et quand j'y pense, le pire c'est quoi? Lui qui m'étonne ou moi qui y crois? On a tous un pote mytho, tous un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi le pote mytho. On a tous un pote mytho, tous un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi le pote mytho. Tous un comme ça, une fille ou un gars, on l'aime même s'il dit n'importe quoi. On a tous un pote mytho, tous un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi. Bon j'avoue, au départ, je pensais qu'il allait changer. Mais tu le connais à chaque fois, il finit par se laisser tenter. Bon j'avoue, au départ, je pensais qu'il allait changer. Mais tu le connais à chaque fois, il finit par se laisser tenter. C'est pour les potes d'un pote mythomane. Pire qu'une drogue, à chaque fois ça finit trop mal. Je voudrais qu'il me l'avoue, qu'il me le dise. C'est tout, depuis qu'il ment, comme il respire, je m'étouffe. On a tous un pote mytho, tous un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi le pote mytho. On a tous un pote mytho, un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi le pote mytho. Tous un comme ça, une fille ou un gars, on l'aime même si il dit n'importe quoi. On a tous un pote mytho, tous un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi. Vince, c'est comme une tartine de Nutella. C'est vous dire s'il est bon. 20h-23h, Vince sur Fun Radio. Ouais, on a salut. Tous... Salut. Oui, ah, je suis encore là. Ah, t'es mal à l'aise, coucou, on a tous un pote mytho. Voilà. Il s'y attendait pas, le bougre. Hein. Il a commencé à parler, genre, oui, moi aussi j'ai un pote mytho. Mon pote mytho, c'est Franzo, j'allais dire. T'as vu comme je t'ai senti venir et tout ça, boum, je t'ai saisi. Bienvenue sur Fond Radio. On est en direct. Ça va tout le monde, l'équipe? Oui, ça va, ça va. Eh, ça va, vous avez pas trop mal au cœur, je suis pas près de mais vous. Mais tu devais pas partir mixer, toi. Mais si, je vous explique en fait, parce que j'ai dit à Franzo Zich, mais il a pas vu son Facebook. J'ai mixé un petit peu après, j'ai envie de rester un petit peu avec vous tranquille encore avant. Et puis pour très honnête, j'ai appris que Alan est en train de mixer maintenant. Ah et ouais. Moi je veux qu'il y ait quelqu'un qui donne la température d'ici, tu vois, qui explique comment ça se passe. Donc, non mais il faut jamais mixer après Alan non plus. Ah c'est bah si justement parce que ah tu aimes bien passer derrière Alan alors. Bah quand tu mixes après Alan, tu sais que tu peux ramener les gens sur la piste, tu vois. Donc, d'accord. Non je rigole. Oui, c'est méchant ce que j'ai dit, je sais, mais c'est une blague. Enfin, c'est méchant, c'est une blague. Là, je parlais avec des auditeurs ici sur place. Alors, les amis, vous savez, hier, il s'est passé un truc. On a été un peu une aubergère, hein, ouais, pas, les amis. Réexplique ouais. Un peu. Bah, en gros, j'arrive à la radio à 18h40. 19h40, pardon, très tard. Et je vois qu'il y a un jeune garçon qui est là, qui attend. Et qui me dit ouais c'est toi Vince. Moi je dis bah ouais c'est moi. Je regarde à gauche à droite, je vois qu'il y a Mike Open Space. Alors d'abord je fais la blague, je dis non c'est Mike Open Space qui est Vince. Et il me regarde, il fait non je sais que c'est toi. Je dis bon ok. Et je lui dis tu veux quoi? Et le mec il me dit ouais j'ai fugué, j'ai eu un mauvais diplôme. Donc est-ce que je peux venir chercher un taf? Alors bon, on n'a pas le laissé dehors, il était là depuis 15h le mec, wow. Il a attendu super longtemps. On l'a gardé toute l'émission avec nous et on a tenté de joindre de sa mère, ce qui est tout à fait logique. Alors il a flippé parce que à cause du fait qu'il double son année, il n'osait pas affronter sa mère. Il s'est dit ouais je vais faire tuer, il voulait trouver un. Pour faire bonne figure, il voulait trouver un job étudiant, mais il n'avait pas l'âge d'avoir un job étudiant. Tout un boxon. Donc au final, on a essayé de joindre sa mère toute la soirée, on n'y arrivait pas, on a commencé à paniquer lui-même, il se rend compte, ah ben merde, j'ai peut-être un peu fait le con parce que. Peut-être que ma mère il lui arrivait un truc, tu vois. Donc, ouais, on a réussi à avoir la police est venue hier soir. Ça s'est super bien passé avec la police. Ils ont été très cool. Ils ont compris la situation. Ils l'ont aidé. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de le joindre pour un peu savoir quoi sa mère, elle était où. Est-ce que lui, comment il a fait pour rentrer aussi? Parce que le mec, il est parti de Liège quand même. C'est ouf. Ouais, il est là pour venir à Bruxelles. Il est déjà là. Quoi, il est à FAD? Non, il est au téléphone. Je me suis dit putain, il a nouveau fugué le con. Quoi. Bonsoir Zeus. Salut Zeus. Yo, oh Dieu, ça y est, merde. Sérieux, frangin. Il nous appelle du cachot là, on l'entend pas. Ouais, c'est vrai, on l'entend bizarre là, mais. Bon Dieu, ça, attends, comment ça va aller? J'ai une petite oreillette. Ah, enlève-le. Mais pas même moi qui suis en déloc, je ne mets pas de petite oreillette. C'est mieux là. Ouais. Voilà, c'est mieux. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, Zeus? Raconte-nous. Alors, ce qui s'est passé, c'est que 23h, j'ai quitté Fun. On m'a conduit au poste à Forêt. Ils t'ont fait dormir là-bas ou t'es parti tout de suite? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas dormi. Donc, ils ont posé plein de questions et tout. Donc, au final, ce qui s'est passé, ils ont appelé les voisins. Ouais. Qui ont été voir. Ils ont été voir comme vous avez fait. Voilà, voir si ta mère était là, quoi. Ouais. Ouais, je suis chez moi tranquille, ils m'ont ramené. Mais seulement, ils ont amené une patrouille chez moi. Ma mère était. Elle était là et tout. Seulement, ce qu'elle a dit, elle a dit qu'elle voulait pas venir me chercher. Elle ne voulait pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la police a fait un PV pour mineur en danger. Ouais, c'est ça, c'est ce que je suis dit. Ah, bah ouais, bah c'est le cas. Non mais ta mère voulait pas venir chercher parce qu'elle était en colère contre toi, évidemment, en fait, qu'elle pouvait pas. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Parce qu'en plus, t'as pas dit pourquoi. Non, je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, il paraît que quand la patrouille était chez moi, elle était déchirée. Ah, elle avait bu. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Bah, elle faisait affaire parce que t'étais pas là, quoi. Et comment t'es rentré pour finir? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai posté, il était 3h du matin. Ouais. Et quoi, 3h du matin, il s'est passé quoi? Chelou. On t'entend plus là, Zeus. Tu captes mal, Zeus. Donc la police de Forêt, ils ont fait la moitié du chemin jusqu'à Liège et la police de Liège a pris le relais pour. Oh, pour c'est cool ça, big up. Ils ont fait 50-50 les mecs. Franchement, big up. Ouais, voilà, ils ont fait 50-50. Merci à eux. Ouais, merci. Ah, c'est vraiment sympa de leur part parce que bon, enfin, sympa de leur part. C'est nous, contribuables, qui avons payé leur essence. Tu te rends compte, on a payé pour toi, Zeus, pour tes conneries. Non, je déconne. Et quand t'es rentré, comme... 0,0017. Et... voilà, explique, vas-y, Kaufman. Quand t'es rentré, comment s'est passé avec ta maman alors? Bah, je suis directement. La police a parlé avec ma mère, je suis directement monté dans ma chambre parce que je voulais pas lui parler. D'accord. J'ai barricadé la porte. Barricadé la porte? Mais t'es con, toi, ou quoi? J'ai poussé l'armoire devant la porte pour pas qu'elle puisse l'ouvrir. Mais t'es con, ou quoi? Seulement, elle a forcé, elle a réussi à rentrer quand même. Mais ouais. elle était super calme. Ouais, et puis. Ouais, et tout. Ouais, on t'entend plus là. Je me suis. Allô? Dans le réseau. Vas-y. Donc elle est rentrée, elle était calme et tout. Elle m'a dit ouais, c'est pas grave, t'as doublé et tout. Seulement après j'ai dormi. Ouais. Quand je me suis réveillé, elle était partie. Ouais. Et elle est toujours pas rentrée. D'accord. Donc il était 15h et là elle est toujours pas rentrée. Bah tu veux que je te dise, elle a fugué, c'est tout. Elle était en bas de chez Fun. Non mais attendez, mais les gars, je sais pas si on... Attends, est-ce que ta mère t'a parlé de ton résultat, le fait que t'es doublé, tout ça? Est-ce qu'elle t'en a parlé? Bah ouais, elle m'a dit c'était pas grave, on va en reparler après. Voilà. Ok, seulement, d'accord, quand, bon. Quand je suis descendu voir si elle était là, eh ben bizarrement ma PS3 avait disparu. Les jeux aussi. Ouais, bah, c'est bien fait. Ouais, c'est bien fait. Ouais, ouais. Voilà, gratteur de PS4. Ouais, et le modem, la carte dedans, il n'y avait plus là. Bah, c'est bien, bah, c'est très bien. Elle t'a puni, voilà, elle t'a puni dans un sens. Et t'as essayé de l'appeler? Bah ouais, mais elle répond pas. Ok, bah je suis d'accord avec Vince, elle est en train de te punir en fait. Ouais, là elle est dans son mode punition, mais bon voilà, on va pas te faire la morale, je crois que t'as compris, hein, Zeus. Tu sais, je vais te dire, comme j'ai dit aux auditeurs de Fun, t'es pas le premier qui fait que pour arriver à Fun Radio, nous on doit trouver des solutions. Maintenant, il va falloir que tu puisses avoir un dialogue avec ta mère. Alors c'est déjà cool qu'elle ait dit c'est pas grave, on va en reparler. Ça veut dire, tu vois, qu'il n'y a pas mort d'homme, il y a pire dans la live, tu vois. Mais va vraiment falloir que tu te remettes en question. Alors quand je dis ça, c'est pas comme un padre qui parle à son fils, mais c'est comment est-ce que tu peux faire pour que ta mère se sente bien et que toi tu te sentes bien aussi, tu vois. Ouais. Si maintenant les études c'est pas fait pour toi, que tu t'en rends compte, tu te dis ah non, je suis vraiment pas fait pour ça, essaye malgré tout t'accrocher et puis essaye de voir s'il n'y a pas moyen de faire passer par des formations, le CEFA, un jury central ou un truc dans le genre. Mais en tout cas, ce qui est important, garde une com, j'ai vraiment pas envie de faire le mec relou, tu vois, mais garde une communication perpétuelle avec ta mère, dis-lui ce que t'as sur le cœur et ne pars pas comme ça sans rien lui dire, parce que je crois qu'au fond d'elle, elle doit être rassurée. Si hier ils l'ont retrouvée bourrée, à mon avis, c'est peut-être parce que voilà, elle sait pas où est son gosse, elle est en panique et tout ça. Et parfois, quand t'es un adulte, et pas oublier un truc, voilà, tu me l'as dit honnêtement hier, voilà, que t'as pas de papa, et donc du coup, respect à ta mère, tu vois, elle t'a géré pendant tout ce temps-là jusqu'à maintenant toute seule. C'est un métier de ouf, c'est pas évident. Essaie de la comprendre, essaie d'un peu l'aider là derrière, et surtout, vous prenez pas la tête, tu vois. Et te barricade plus, pardon, dans ta chambre. Ouais, c'est ça, ça sert à rien de t'enfermer. Je veux dire, laisse la porte ouverte. Mais évidemment. Je comprends, voilà, t'as 15 ans, tu veux ton intimité. Peut-être que tu t'es barricadé parce que tu voulais te branler. Mais. Oh non, non. Mais bah, voilà. Faut plus le faire, ça. Voilà, mais l'idée, c'est pas que tu t'enfermes tout seul et que tu restes là comme ça. On est bien d'accord, quoi. Bon, Zeus, t'es le bienvenu quand tu veux. Viens avec ta mère. Si demain tu as l'occasion de venir avec ta mère, viens, ne fugue pas. Viens, sinon ce sera la rentrée, y a pas de souci. Si c'est on pas sûr là. Ça, Vincent. Et à mon avis, ça va être très. Ouais, je pense pas, effectivement. Mais en tout cas, voilà, merci, merci quand même. Enfin, ça, quand je dis merci, ça, c'est bizarre comme mot, mais voilà, tu savais pas trop où aller, t'es venu chez nous. Bon, voilà, on a pu t'aider un maximum. Mais si on n'avait pas été là, genre qu'on aurait été aujourd'hui. On aurait fait une déloc ou autre, t'aurais été dans la galère. Donc ouais. Voilà. Mais cas, merci Zeus. D'avoir répondu, en tout cas, Zeus. Voilà, c'est ça, merci d'avoir répondu. Big up à toi. Et big up à ta mère aussi, et big up aux flics, ils ont fait un super taf. Super taf. Oui. Voilà. Ouais. Mais tellement, Vince. Ouais, dis-moi vite. Je peux pas faire un jeu. Bah non, t'as assez joué hier. Il a assez joué, il a fait le jeu de la barricade, il a fouillé, qu'est-ce que tu veux, quoi. Alors, honnêtement, ça dépend de Coralie, si elle a besoin de quelqu'un pour les jeux qui vont venir. À mon avis, Give Me Five, il est là, il est prêt, ouais, il va être lancé. Ouais. Donc voilà, Zeus, pas de soucis, on t'appellera demain pour faire un jeu dans l'émission, ça marche? D'accord, merci. Eh, hey, gros big up à toi, courage. Et à bientôt, vieux. Salut, ciao. Bye bye. C'est les merci, c'est gentil. Merci, frangin. Merci, bisous, bisous. Les amis, toujours en direct sur Fun. Attention, parce qu'on a la bonne musique qui va arriver. On a Kungs qui va arriver. Kungs. Avec These Girls. On a le son de Kungs, de DJ Snake aussi, avec le single Talk là. Et là, on me confirme, on fait signe de loin. Je vais le voir aller mixer dans le club. Donc, je vais m'arranger pour qu'Alain puisse prendre le relais. En attendant, okay. Tranquille, lancez le Give Me Five. Je vais inviter tous les auditeurs à nous rejoindre. Ceux qui sont en vadrouille, qui savent pas très bien quoi faire, c'est les vacances. Rejoignez-nous. Aujourd'hui, on a la grenouillère du côté de Lezan et nos hâtes pour le Summer Break. Il y a des gros DJ qui vont venir. Là, je vais commencer à faire un petit mix au calme. Et d'ailleurs, lancez-moi par SMS au 3044 des petits défis que vous voulez que je fasse avec la musique. Si ah ouais. Je passe, sais pas moi, les sardines. Et je vais tenter, je dis bien, je vais tenter de vous partager cette aventure en live. Parce que pour être très honnête avec vous, ça devait se passer en extérieur. Mais comme il drache de dingue, et ben du coup, je vais aller à l'intérieur. Et le dispositif, on n'est pas sûr qu'il puisse passer. On va tester, on verra ça. Et en attendant, bon, on arrive tout de suite sur Fun. Bienvenue. Yeah. Pour moi, voix de Fun Radio, j'écoute Vince de 20h à 23h car ça met de bonne humeur. Avec Fun Radio, gagnez votre enceinte portable Bluetooth Urol. Fun Radio. Toute la semaine, écoutez l'Happy Hour avec Audrey et gagnez votre enceinte portable Bluetooth Urol au son incroyable à 360 degrés. Étanche et ultra puissante en envoyant Summer au 6322. Un nouveau message. Les cadeaux les plus fun pour les vacances, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Un bon plan, c'est ne pas devoir choisir entre s'offrir un nouveau smartphone et partir en vacances. Un nouveau smartphone! Ah oui, ça sonne bien ça. Ou des vacances au soleil. Ah, oh, ça sonne plutôt pas mal non plus. Et si je m'offrais les deux? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Samsung Galaxy J5 est à seulement 29€ avec Dauphin 25 smartphones dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Fun Radio. Short days, long nights, tangled up with you, I don't wanna move. Your eyes don't lie, and if I needed proof, that body tell the truth. Ooh, your body is a blessing. Ooh, don't know if I deserve it. Ooh, before round two, I got a question for you, babe. If it ain't and again. You know soon as you walk in, it going up, going up. Slow it down for me, girl, we ain't got a rush. Always a movie, we ain't saying much. Maybe I'm just your type. I know what bad girls like. But I'll confess tonight, your body is a blessing. What I do to deserve it, yeah. Shout De 20h à 23h, Vince vous parle sur Fun Radio. En même temps, vous avez déjà entendu un animateur radio qui ne parlait pas ? Vin sur Fun Radio, vous êtes comique, vous. Vince, il a été mixé. Il est en direct de la Grenouillère ce soir. Vous pouvez le rejoindre si vous avez envie de prendre l'eau. Bah, vous êtes les bienvenus là-bas. Hein. Enfin, on a facile, on a facile. Nous, on est en studio, on est bien. On est avec Coralie. Oui. On est avec Tonto Roger. Oui. Et on est avec Francesi. Ça va, Kaufman? Ça va bien. Oh, et Kaufman. On va jouer au Give Me Five. Oh, oui, j'adore quand on joue au Give Me Five. Le Give Me Five sur Fun Radio. Let's go! On a, je pense, Mike à l'antenne. Bonsoir, Mike. Oui, allô, bonjour. Salut, ça va bien? Oui, et toi? Ouais, et t'as quel âge? Tu nous appelles d'où? J'ai 14 ans et j'appelle de Liège. D'accord, tu connais le principe du Give Me Five, on te l'a expliqué, c'est en ordre? Oui, je dois placer 5 mots pendant que j'appelle un hôtel. Exactement, tu dois faire ça dans une conversation logique et tu as une minute pour ce faire. On a aussi Corinne, bonsoir Corinne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, tu as quel âge, tu nous appelles d'où toi? Alors moi je vais bientôt avoir 23 ans et je vous téléphone demain. D'accord, et tu as envie de faire équipe avec qui ce soir pour le Give Me Five entre Tonton Roger et moi? Tonton Roger? D'accord, oui, parfait, cool. C'est noté, il a les yeux qui brillent donc c'est plutôt bon signe. Et moi je ferai donc équipe avec Mike, si ça te va. Oui. Ça te va Mike? Mmh. Ouais, laisse tomber mec, on va commencer par Corinne le temps que tu travailles un petit peu. Corinne, on va appeler un hôtel, à toi de placer tes 5 mots et tu as une minute pour ce faire. Et quoi, pas tous les mots dans la même phrase? Ouais. Une minute pour les lire et pas tous les mots dans la même phrase. Donc tu vas laisser répondre l'hôtel entre chaque mot. Ça va, d'accord. Est-ce que je peux quand même aussi poser des questions? Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc tes mots sont One Piece, éléphant, foulard, radical, muqueuse. On est d'accord? Ça va. Ok, bah, je te souhaite bonne chance, même si on fait pas équipe, je te souhaite bonne chance quand même. Bonne chance. C'est parti, on appelle. Coupe le micro. Coupe le micro, coupe le micro. Ils ne nous entendent plus. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Voilà, en fait, je vous téléphone pour avoir quelques renseignements sur une éventuelle réservation. Oui. Donc voilà, est-ce qu'il y a une télévision dans les chambres? Oui, madame. Ah, super. De toute façon, j'adore la chaîne manga, c'est pour regarder One Piece. Enfin, j'en suis fan. Comment? Voilà. One Piece, vous connaissez peut-être? Mais je vous entends pas du tout, madame. Là. Non, c'est pas grave. Alors, j'aurais également une autre question assez radicale à vous poser. Est-ce qu'il y a un zoo tout près de l'hôtel? Mais vous, c'est pour une réservation de chambre, madame? Un zoo. Est-ce qu'il y a un zoo près de l'hôtel? À l'hôtel, oui, j'ai la télévision. Il est resté coincé, votre question. Parce qu'en fait, je déteste les éléphants, donc je n'aimerais pas en voir tout près. On est à combien de temps, là? Excusez-moi, je vous entends pas du tout, je comprends pas du tout ce qu'on me dit, ça. Vous appelez d'où? Ça y est, on va interrompre la conversation. Allez hop, c'est fini. C'est pas mal, Corinne. Tu as marqué 3 points. Tu as placé One Piece, éléphant et radical. C'est plutôt bien. Est-ce que Mike va faire mieux? Mike, tu es prêt? Ouais. Mike, tes mots sont enceinte, DBZ, girafe, phallus et casquette. C'est pas moi qui ai fait les mots, c'est les stagiaires. Donc voilà. On peut appeler Mike? Bah oui, on va appeler. Bonne chance, Mike. Ouais, merci. Ça va. C'est quand même l'avant-dernière libre antenne de la saison, va falloir vous remuer. C'est le dernier Give Me Five. Ah oui, c'est le dernier. Ouais, c'est vrai que demain on joue au Kick Cool LOL, si je me trompe pas. Au Dragonfun, pardon. Tous les jours, en buffet à volonté. Ah, bonsoir. Oui, bonsoir. Ce serait pour vous poser quelques questions dans vos chambres. Oui. Est-ce que ça vous dérange si je mets un peu de musique avec mon enceinte? Ah bah bien sûr, oui. Un mot. Vous avez dit quoi? Mais oui, ça vous pouvez pas, faut respecter les voisins en fait. Ah ok, c'est pas grave. Donc voilà. Est-ce que vous avez des TV pour regarder ma chaîne préférée avec Dragon Ball Z? 2 points. Vous regardez ce que vous voulez. On okay. Continue. Est-ce qu'il aurait un zoo pour regarder mon animal préféré qui est la girafe? Pas mal, 3 points. Elle rigole. Je pense que vous pouvez trouver ça sur les chaînes genre Arte, des trucs comme ça. Ok. Est-ce que vous avez des porte-manteaux pour mettre ma casquette préférée? Pas mal, 4 points. Ah bah bien sûr. 10 secondes. Même le bonnet préféré. Elle est bien, okay. Elle est bien. Et est-ce que je peux mettre mon phallus dans votre cul? Oh non. Non, pas du tout. Vas-y, passe-la-moi. Mais bien tenté. Excusez-le, madame. Au revoir. Allô, madame. Elle a raccroché. Ouais, mais c'est pas grave, Mike. C'était bien joué, sauf sur la fin où t'as été un petit peu grossier, mais c'est pas grave. Tu as marqué 4 points. 4 points. J'ai combien? 4 points. Bah, j'ai mis les 5. Ouais, je crois qu'il a mis les 5. Mis les 5. Non, il a mis les 5. Ouais, il a mis les 5. Ouais, il a même mis son phallus dans son cul. Donc, ouais, il est avec toi en plus, Mike. Donc ça fait 5 points pour toi. 5 points pour moi. Ouais, et 3 pour tonton Roger. Et 3 pour tonton Roger. Ça va être compliqué pour toi, mon ami. Ça va être tonton Roger alors qui va se lancer. Exactement, on fait ça maintenant. Si vous voulez écouter la suite de l'histoire, elle était marrante. Mais on s'en fout. On s'en fout, Corinne. Mais si tu veux, tu pourras te la raconter à ton mari tout à l'heure ou à ton petit ami, j'en sais rien. Bon, très bien. On s'écoute DJ Snake maintenant. Tall qui en revient juste après. C'est la libre antenne sans Vince qui est parti mixer. Mais rassurez-vous, le Kikoulol continue, tant bien que mal, avec Tonton Roger dans quelques secondes sur Fun Radio. Salut, yo. Et c'est l'avant-dernière ce soir, c'est vous dire que on a un peu le moral dans les talons, hein. 30-44, si vous avez jamais envoyé de SMS à la radio, c'est peut-être le moment de le faire. Bah oui, quand je vois la gueule des co-animes ici, j'ai envie de me pendre. Hein. J'ai envie de me pendre. Tu t'es vu, si je me pends, si c'est moi qui me pends. Bah, c'est vrai qu'en voyant ta gueule, j'ai eu plusieurs fois l'envie de me pendre cette année. Moi aussi, je te rassure, surtout ton fond. On voit qu'elle a pris de l'expérience et que lundi, elle commence à animer le morning à la place de la tribu avec Evan. C'est le summer fun. C'est les grandes choses qui se préparent au bout d'un moment. Tu vois, je monte en grade. Bientôt, je serai à ta place. D'abord, la place de Barbet. Okay. Après, la tienne. Tu veux venir faire l'aréa? Ouais, bien sûr. Tu veux que je vienne? Vas-y. Je suis sûr que j'y arrive. Tu sais qu'elle adore toucher au bouton, hein, fais gaffe. Donc, coucher pour réussir, ça marche. Eh ben écoute, figure-toi que je n'ai couché avec personne. Alors là, je vais sortir les deux. Je rectifie. Personne d'assez haut placé pour pouvoir me permettre d'avoir cette place. C'est normal, elle a couché qu'avec des nains. Donc. Bon, on est dans le Give Me Five. Oui, et c'est tonton Roger qui va s'y coller. Oui. Tu as 5 mots à placer. Tu peux me les rappeler, tonton? Alors, c'est erreur, couche-culotte, pleurs, diarrhée, et puis une petite chanson à la crèche. M'exploser un peu plus à la crèche. Quand le cœur n'y est plus, brûlé, ce qu'on en adore. Oh là là, on dirait un soulard. Mais tonton, c'est Jennifer au soleil. À la crèche, m'exposer un peu plus à la crèche. Je chante trop bien, ça fait peur, hein, putain. Mais on n'est pas là pour ça en même temps. Bon, on appelle? On appelle, ok, c'est parti. Allez, let's go. Allez, hop. Bonne chance sur ton rejet. Je compose le numéro. T'es quasi obligé de faire un sans faute. Oui, oui. Ah, c'est vrai. Une horreur. Une horreur. J'ai toujours l'impression qu'on appelle à l'étranger. Je crois que c'est le cas. Je crois qu'on appelle en France. Ah. Bonjour. Oui, bonsoir, Diarizasan. À l'appareil, je vous téléphone pour réserver une chambre chez vous le 22 juillet et le 23. Oui, attendez. Regardez s'il me reste de la place. Je regarde si j'ai pas fait d'erreur par rapport aux dates. C'est pour mon patron. Oui, c'est bien ça. Le 22, le 23 juillet, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'il y a dans vos chambres des poubelles spéciales parce qu'il vient avec son enfant et pour ses couches culottes? Alors, excusez-moi, ma compagne n'est pas rentrée là. Vous pouvez me rappeler éventuellement demain matin? Non, parce que j'ai envie de terminer ici pour savoir si c'est un peu disponible et un peu savoir comment ça fonctionne chez vous. Les chambres sont bien sonorisées pour les pleurs? Il y a combien de mots là? 3. Okay. Comment? La chambre, elles sont bien sonorisées. Je vous ai dit qu'il venait avec son enfant pour les pleurs. Bah après, je sais pas. Oui, je pense. Vous savez, moi, j'étais classé 3 étoiles, logis 3 cheminées. Après, mes clients se prennent pas du bruit. Moi, j'ai fait une mesure sonore. M'exploser un peu plus à la crèche. Quand le cœur n'y est plus, brûlé, ce que l'on adore et réchauffer les corps. Je crois qu'il a coupé. Ouais. Ah, il est toujours là. Oui, bonsoir. Il est là. Vous aimez bien ma petite chanson? C'est ce que mon boss chante. Attendez, écoutez, monsieur, je suis extrêmement gentil, si vous voulez. Moi, je n'ai que 12 chambres à l'hôtel, là. J'accueille les clients. J'ai encore 5 clients qui ne sont pas arrivés. Mais donc, vous voulez quoi? Il n'y a pas de problème. On vous téléphone demain pour les renseignements. Alors, écoutez, donc, vous faites le même. Il m'a saoulé. Ah non, mais. il avait décidé de faire son Give Me Five, en fait. Ouais. Bon, très bien. Combien c'est pas mal, ça. 5 points. À 5 points. Ça fait 8. C'est un sans faute, ça fait 8. Bah oui. 8 contre 5. Bah ouais, autrement dit, je dois faire 4. Ok, c'est parti. Je me suis présenté comme étant diarrhée. C'est pas mal comme prénom. Non, c'est c'est vrai, c'était pas mal. Mes mots sont tagine, le saint-front, serviette, arc-en-ciel. Ça sera nous dès demain. Ça sera nous le front sur le chemin. Ouais, sans moi. Hein. D'accord. Tu seras seul. Comme d'hab. On appelle. C'est le Give Me Five. Dans la libre antenne, notre patron est en train de mixer. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur DJ Tagine à l'appareil. Je vous dérange pour réserver une chambre, s'il vous plaît. Oui, pour quelle date? Dernier week-end de juillet, le jour de la Saint-Front, en fait. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des serviettes dans vos chambres? Tout à fait. D'accord. Au niveau. Ah, il y a un arc-en-ciel dans le ciel. Désolé, j'avais vu. En même temps, c'est normal dans le ciel. Hein. Il vient de pleuvoir très fort là où je suis, donc il y a un arc-en-ciel. Ah non, raccroché. Ah, ouais. Combien de mots? 4. 4. 4. Mais il a quand même gagné. Ah ouais, ça fait. Mais c'est pas mérité, mais j'ai gagné. Ouais. Oui, alors, Mike! Qui a gagné? Mike! Oui. On a gagné. Mike a gagné, bravo! Merci. Bravo! Bravo, Mike! Tu vas repartir avec des goodies jeux vidéo et plein de choses pour se faire plaisir durant cet été. On te souhaite une bonne soirée, Mike. Et ouais, même chose pour... Oui. Est-ce que je pourrais poser quelques questions? À qui, concernant. Concernant. Concernant quoi? Papa. Allez, Mike. C'est pour voir si j'aurais pu avoir une feuille avec. Allô? Oui, on t'écoute, Mike. C'est ce que j'ai eu à vous dire. Est-ce que je pourrais avoir une feuille avec toutes les signatures de l'équipe? Bien sûr, je vais te mettre mon front sur la feuille et on t'envoie ça. Il n'y a pas de problème, Mike. On te fait ça et on t'envoie ça. Et pour voir une autre, c'est vrai que Rocket League sera en CD? Oui, bien sûr, on t'en a offert dimanche dans le Fun Games, Rocket League Collector. Ah, okay. Est-ce qu'on pourra aller voir ma chaîne YouTube, c'est Snapchat? Ah oui, d'accord, ben on fera ça et puis on t'embrasse, Mike. Tout ça pour ça. On t'embrasse, Mike, à bientôt. Allez, bisous, okay. Corinne. Merci. Corinne. Ah. Corinne vient de perdre 10 ans d'un coup, elle avait 23 ans, elle en a 3. Corinne. Corinne. Bon d'accord, on souhaite une bonne soirée Corinne, décidément. les éléments se déchaînent contre nous ce soir. Bref, qu'est-ce qu'on a à suivre? David Guetta si tu veux en son. Et après on a le The Mission, le replay de The Mission. On aura aussi du Dominique, du TTFX. Et c'est quoi le replay de The Mission, explique-nous. Ah, le The Mission c'est un frère qui a fait un truc à sa sœur. Sa sœur venait de sortir de sa douche, elle venait de se laver les cheveux. Oui. Et lui a mis un pot de mayonnaise, hop, sur la tête de sa sœur. Bonne voilà, idée, ça. Mais avant, il y aura David Guetta, l'hymne de l'Euro. Oui, les Belges sont à l'Euro, ils jouent quand vendredi, les Belges, non? Vendredi contre... Contre qui, je sais pas. Le Pays de Galles. Ah oui, Pays de Galles contre Gareth Bale, c'est vrai, ils vont perdre, je pense, là, par contre. J'y crois pas. Attends, t'as dit qu'ils seraient en finale il y a deux jours. C'est vrai, donc ils vont gagner contre les Pays de Galles, j'avais oublié ça. Je t'avais dit qu'on a tous un peu de mytho, hein, Franzo. Hey, David Guetta, this one for you, sur Fun Radio, 21h12, on est en direct. Yeah, yeah. Sur Fun Radio, oui, son équipe pour l'avant-dernière émission. Vince est en train de mixer à la grenouillère pour la Summer Break, je pense que ça s'appelle comme ça. Ouais. C'est en plus un événement Fun Radio. Oh, et quand j'y pense, et qu'il nous avait fait la propale et qu'on lui dit ouais, on sait pas, bah, on a bien fait de pas savoir. et on a quelqu'un d'équipe, Alan. Bonsoir Alan. Bonsoir. Ah, je m'entends. Allô. Ah, tu t'entends, hein? C'est la première non, fois, c'est pas, un choc. Non. Je m'entends pas. Tu t'entends pas? C'est pas grave, Alan parle plus fort. C'est pas grave. Bon voilà. Dis-nous, il y a de l'ambiance? Comment ça se passe? Ouais. Bah en fait, l'ambiance, oui, il y a de l'ambiance carrément, mais à l'intérieur quoi. Il pleut un peu, mais tout le monde est rentré en gros. Mais tout le monde est devant Vince en gros, hein. Voilà. Et toi, t'es un peu derrière. Moi, je suis tout seul. Toi, t'es derrière. Moi, Vince. Je suis tout seul, ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Bon, apparemment, on va s'amuser à faire des défis. Ouais, y a pas de soucis. Moi, bon, y a plein de gens qui seraient ok, donc. D'accord, t'as des gens autour de toi qui sont chauds. Ouais, j'ai des gens autour de moi un peu chauds, ouais. Ouais, j'en ai un là. T'en veux un ou pas? Ah bah ouais, vas-y. Fais péter. Ah, attends, il va pas t'entendre, donc attends deux secondes. Vas-y, mets le matos. Ah, on a les moyens chez Fun Radio. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi ton prénom? Dark Vador. Dark Vador, c'est bon. quand il avait dit qu'on avait des gens chauds, il mentait pas. Alors, on est vraiment chaud. D'accord, et dans deux secondes, tu vas dire que tu es mon père peut-être? Non, pas encore. Bon, pas c'est encore. Bien, c'est bien. Tu es prêt pour un défi? Ouais, super prêt. Très bien. Tu vois où Vince mix? Ouais, je vois. Eh ben, tu vas aller danser derrière lui, tu vas faire la pom-pom girl peut-être? Ouais, pas de soucis, avec plaisir. Pas de soucis, si la sécurité te pète la gueule, n'oublie pas qu'on n'est pas responsable, nous. Hein. Voilà, oui. Non, mais ça, y a pas de soucis. Très bien, bah repasse-nous Alan et il va nous commenter tout ça. Ça va, je reviens. Ah, voilà. On a les moyens, nous, hein. On a deux casques, deux micros, mais. Mais je pense qu'on va pas l'entendre là-bas. Oui, Alan. Oui, voilà. Bon, je l'ai envoyé danser derrière Vince. Horrible. Derrière Vince, ouais. Ah, ça va être marrant. Je viens de voir que Vince vient de démarrer un direct, là. Donc ça va être drôle. Un direct quoi? Un live Facebook? Ouais, je viens de voir un live Facebook lancé par Vince. Ouais, mais ça nous intéresse pas trop. Tu vois, nous, on fait la radio. Libre antenne Vince, bien sûr. Le petit coquinou qui va nous faire avoir des problèmes. Ouais, c'est possible. Il en est où ton pote là, qui est très très chaud, Dark Vador? Mon pote, mais moi je le vois pas la salle en fait. Là, il est parti dans la salle, donc voilà. D'accord. Bon, bah c'est pas grave. Passons-nous un autre alors. T'en passes un autre? Celui-là, il me plaisait pas, je l'ai envoyé faire des courses. T'en passes un autre? Ouais. Une fille ou un mec? Bah, ouais, elle est belle, la fille? Bah, deux filles, ouais. Ça veut dire très poliment qu'elle est moche. J'ai un mec, il est chaud là, il est chaud. Là. Vas-y, passe-le-nous. Attends. La fille est vraiment moche. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Adrien. Bon, moi, j'entends pas. Vous l'avez entendu ou pas? Ouais, il s'appelle Adrien. Ouais. Adrien, voilà. Je vous le passe? Ouais, passe-nous. Et pas de défi extérieur. Pas de défi extérieur. Parce qu'en fait, on peut pas bouger. Pas du tout. Ok, d'accord. Bon, il baisse son pantalon devant tout le monde, quoi. Il nous entend ou pas, là? Bonsoir, Adrien. Ouais, je les entends. Bonsoir, ça va? Ça va? Ouais, ça se passe ou quoi? Mais nickel. Il y a okay. Du bon, ça, qui est arrivé, donc c'est bien. T'es chaud pour un défi du cadeau Fun Radio? Ouais, à l'aise. Ouais. Est-ce que t'as envie de te décaper ce soir? Ben, en fait, il y a mon patron qui est là, donc... Justement. Ah ouais. Justement, c'est là le moment, tu nous motives. C'est peut-être le moment d'avoir une augmentation. Je suis pas sûr qu'il soit comme ça. Bon, t'es pas chaud? Mais me décaper pas à poil, mais... Bah non, pas à poil, tu gardes ton slibar, quoi. Mais il en a pas. Mais si, il en a. Mais tout le monde n'est pas comme toi, tonton Roger. C'est bon, tu gardes ton slip. Je porte pas de boxer. Mais je m'en fous, vas-y, commence à te décaper. T'enlèves ton jeans, t'enlèves ton pull et c'est bon. Dégueule pas, Kaufman. Torse nu. Quoi? Torse nu, là. Torse nu, allez, c'est déjà pas mal, vas-y. Elle t'énerve pas, les seuls. Mais écoute, ils sont chauds, mais en vérité, ils sont pas chauds. C'est un auditeur. Ouais, je le repasse. Hein. Ouais, repasse-le. Ouais, t'as remonté, là. Vous l'avez mis torse nu, c'est ça? Ouais. Il y a une fille maintenant. Okay, on va s'en occuper. T'inquiète pas, on va s'en occuper. Elle baisse le pantalon. Okay. C'est n'importe quoi. Bon, elle s'appelle. Ça va être drôle. Ah, là, fais bon, les photos. Là, fais les photos. Là, c'est bien. Torse nu devant moi. Hein. Ouais, tu vas faire une photo. On va mettre tout ça sur la page de Libre Antenne Vince. Vas-y, fais un selfie. Voilà. Coralie, je te l'envoie à toi. Ah, tu sais qu'elle aime les beaux mecs. Voilà, exactement. Bon, là, il y a des filles avec moi, là, maintenant. Vas-y. Bon, je vous ai envoyé la photo. Bon, allez, vas-y. Attends, laquelle? Il y en a trois. Bah, une blonde, une brune. Bah, la première qui fait la même chose que l'autre a gagné. Non, mais c'est bon. Ne l'écoute pas. Fais comme si j'étais un son pirate. Tonton, je t'écoute. Je t'écoute, tonton. Qu'est-ce que tu fais? Je disais la première... Non, Kaufman. Tonton Kaufman. Salopard. Pas mal. Bah écoute, passe-la nous, on va faire connaissance d'abord. Ok. Attends, je te passe la première, ça va. Ouais. Il est fort, ce petit. Il m'a bien fait rire. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est quoi ton joli prénom? Maya, tu as quel âge, Maya? J'ai 18 ans. 18 ans, et tu es prête à tout pour repartir du cadeau Fun Radio ce soir? Évidemment. Bon, qu'est-ce qu'on va lui faire faire, Francis? Bah, elle va faire l'abeille, hein. Oui, mais merci, tonton. Ah, c'est pas mal ça qu'elle fasse tous les bruits d'animaux que tu lui demandes. Ouais, ah ouais! Ah ouais! Pas mal ça, hein. Tu vas commencer à bruiter l'abeille. Moi, tu vois, je t'écoute. Enfin, j'écoute François, je suis plutôt. Allez, vas-y. Vas-y, fais l'abeille. Ouais, c'est petit, c'est. Ouais, c'est bon, léger. Tu sais quoi, fais la vache. Ah non, pas la vache. Mais si, tu fais la vache. Ça lui correspond mieux. Pas mal, la chèvre? Bah. Eh bien, tu as un don pour faire la chèvre. Attention, c'est mon préféré jusqu'à présent. Et la poule? Fais la poule. Pas mal. T'aurais pu venir faire carrière ici, dans la Libre Antenne, avec tes talents. Ah ouais, bon, est-ce qu'on en a un dernier pour la route à lui faire faire? La chienne? Oui. Allez, fais la chienne. Ça, c'est un peu violent quand même. Ça, c'est pas cool. Mais non. Allez. Ok. Kaufman a dit fais la chienne. Fais la chienne. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je dis que ça vaut du cadeau fin de radio. Tu vas donner tes coordonnées à Alan et on va s'arranger avec lui. Ça va? J'ai un cadeau? Bah oui, t'as un cadeau. Mais je t'ai pas dit lequel. Hein. Tu aurais joué pas trop vite. Un balai à chiottes. Bon, on te souhaite une bonne soirée, Maya. Merci. Merci Maya. À toi. Bah, elle s'appelle Maya. Ah merde. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle devait faire l'abeille. Ah sympa, ok. C'est bien. Aujourd'hui, on a mis l'équipe remplaçante. Ouais, je suis en forme aujourd'hui. Hein. Bon, Alan. Attends, je vous le repasse. Oui, bah oui, à moins que tu veuilles faire toute la soirée avec nous, ce qui est possible aussi, hein. Allez, Cardel. Oui, allez, Cardel. Oui. Ah, tu nous as trouvé du lourd là en termes d'auditeurs et d'auditrices. C'était les premières, là. C'était les premières. Non, mais c'est bien. Ah, c'est bien. Bon, écoutez, je sais pas combien de temps il reste, mais je peux vous trouver des gens qui vous feront des trucs de fou ici. Après, écoute. Mollo mon garçon. On a toute la soirée, on est là jusqu'à 23h. Là, ouais. On va partir en viral. On est parti pour The Mission Best Of, mon gamin. Ok. Toc toc badaboum, c'est moi, on débarque. C'est The Mission sur Fun Radio. Qui est prêt à tout pour remporter la très convoitée The Mission sur Fun Radio? Le Bilal, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va frangin, on est là, on est bien. Tu as 20 ans, tu viens de BX 104.7. Ouais, ouais, c'est ça. Et Bilal, tu vas faire, enfin Bilal, ouais. Pardon, tu vas faire quoi ce soir? Ce soir, on va réunir le déglingo de A, le type de serein, tous ensemble, ma sœur. Ok. Ça sent la blague à la sœur. Alors tu vas faire quoi exactement à ta sœur? Ok, eh ben, truc, ça n'a pas longtemps, elle vient de faire sa douche. Là à côté de moi un gros pot de mayonnaise. Oh, ah non. Laisse-le terminer. Tu vas faire quoi? Tu vas mettre ça sur quoi, t'as dit? Sur ses cheveux, enfin partout quoi. Le temps que je pourrais rester là et franchement je dis un truc, hein, c'est pire. Comment, ah ouais Dominique, franchement lui c'est en fait x3 Dominique, tu vois, mais en mode femme. Ah oui d'accord. Okay. Ça va être sympa, oui. Et ben écoute, je suis très curieux. Mesdames et messieurs, voici l'introduction. Bilal. À 20 ans, il vient de Bruxelles. Oui. Et Bilal va faire. Tu vas risquer sa vie. Une petite blague à sa sœur. Grosse une petite. Une petite, je sais pas. Ah ouais, Vince, après. Après, stop, je peux parler à Dominique, je vais le rendre malade. Il va devenir fou. Attends, on peut essayer il de l'appeler. On peut essayer de l'appeler, si ouais. Tu veux. Pas de soucis, pas de soucis. Okay, parce que je vais le déglinguer, le bâtard. tout d'abord, grosse mise en bouche avec ta sœur. Concentre-toi sur ta sœur. Bah, okay. Oh, putain, ça, c'est à voir, ça. Pourquoi vous pensez directement des trucs comme ça? Restez, arrêtez. Oh, putain, je vais te comprendre. Oh, non. Désolé, Bilal. Je kiffe la voix de Bilal. J'ai ma sœur, quand même. Hein. Bah oui, mais je n'en pensais pas moi. C'est eux qui, directement, ils ont pensé loin, là. Laissez elle, Mia, là, avec ces trucs-là, avec le soir, là, comment ça s'appelle, là? L'instant. Tu sais comment ça s'appelle? L'instant. Ouais, l'instant léger. c'est bon. Excellent. Bon, attention, tout le monde est concentré? Oui. Ok, t'inquiète. Bilal, quand on te dit go, tu peux attaquer ta sœur. Putain, voilà, j'ai pas. Ouais, vas-y, t'inquiète. Grosse mission. Et attention, je vais offrir des cadeaux en échange. Oh, je vous explique. Okay. Alors toi Bilal, si tu y arrives, déjà tu repars avec des cadeaux. Oui. Mais on va sélectionner un auditeur au hasard qui va partir avec le jeu vidéo de son choix. Mais pour ça, il va falloir qu'il devine si Bilal y arrive ou pas. Et si Bilal réussit et que sa sœur elle gueule, etc. et que vous avez envoyé, il va réussir. Ouais. Eh ben ça veut dire qu'il y a un de vous qui va gagner. Cool. Et si par contre vous estimez qu'il ne va pas réussir. Oui. Et qu'effectivement il réussit pas, on appellera une des personnes qui a envoyé, il va pas réussir. Ok, faut envoyer quoi? Ça, okay. Il va pas réussir. Il va réussir parce que je vais trop gagner. Il va réussir ou il va pas réussir. Ouais. Ok. Allez-y maintenant par SMS au 3044. Ah ouais Vince. Oui Bilal. La dernière, j'avais gagné un cadeau et je pense que le cadeau il a une barbe, il a des poils et tout. Une barbe et il a des poils. Reçu. Ah, je pensais du Père Noël. Coralie. À chaque fois, mon regard va aller vers Coralie. Hein. Bah oui. Parce que Coralie, elle est à son aise et standardiste. C'est pas elle qui ramasse les messages de plainte. Hein. Ah, si, non, mais c'est normal, c'est sur ma page. Bon, Coralie, il va falloir lui en envoyer deux, du coup. Hein. Je vais parler avec lui. Oh, putain, c'est trop bien ça. Eh, tu sais quoi? Juste pour ça, attends deux secondes, je vais ramener la ketchup ici. Excellent. Hey, il est trop chaud, vous voyez, il va réussir au 30-44. Ah ouais, je pense aussi. Mayonnaise, ketchup. Attends, deux secondes là. Je vais ramener la ketchup. La tête d'un masque pour la Philippili. Il y a trois. Attends. Il est chaud. Ah, il est chaud patate. Attends, je vais mélanger dans un verre là. Deux secondes. Et là, je vais faire la figure. Je vais faire la figure, attends. Le truc bien dégueu. Mais Bilal est chaud de ouf. Ça donne envie de manger. Eh ben, tu sais quoi, t'as connu. Je mets tout. Attends, je mets du poivre. Attends, du vinaigre et tout parce que ça pue. Mets du vinaigre, si t'en trouves. Je mets quoi, du vinaigre. Ouais. Et un peu d'huile d'olive comme ça colle bien. Ah ouais, putain, elle est trop forte, je te jure. Attends, ouais. Attention à ses yeux quand même. Ça, vas-y, c'est bon, je suis un œil. C'est qu'un œil. C'est ça quoi. Ça se passe pas encore un œil. Hein. Ok, c'est bon. Là, je vais descendre. T'es prêt? Ouais, c'est bon, je suis prêt. Allez, vas-y, à l'attaque, c'est parti. Ok, c'est bon. C'est bon, calme, hein. C'est pas comme si j'avais demandé de te faire un bisou, hein. Attends. Oh putain, Lyon. Oh putain. Oh putain, c'est bon. C'est bon, c'est pas comme... Ah. Ah putain, non, s'il te plaît, reste là. Alors, ça sent quoi? Allô, Bilal? Attends, vite. Vas-y, on attend. On écoute. Je reste au travail. Ah, putain. Ah, c'est bon, c'est ta gueule, putain. C'est mon pote, c'est pour rien gâcher, c'est bon. Attends, je ferme la porte là. Putain, le sauvage. Attends. Bilal, ça va? Attends, franchement, je suis choqué. Elle est possédée, attends. Elle est possédée? Attends, qu'est-ce qu'elle a fait? Putain, elle a pris de la laque. Elle voulait me brûler avec un briquet. Attends, franchement, elle a tellement d'enfants, j'allais devenir chauffe. J'allais devenir chauffe, tu veux? Attends, elle est où là? Elle est où? Attends. Là, elle est partie en bas, je me tais. Attends, moi je trouve la porte à clé deux secondes. T'es dans ta chambre là? Ouais, là je suis dans ma chambre. J'ai jamais vu ça, je te jure. Je pensais pas que j'avais une tire comme ça. Je pensais qu'elle était méchante, mais pas aussi méchante. Attends. Elle a voulu tuer, elle a voulu brûler. Grave. Ouais. Les femmes, elles ont pas de limite, hein, tu vois. Non, c'est... pas du tout. Attends, moi je monte dans ma chambre. Mais elle est où là? Est-ce qu'elle est prêt tôt? Il est en train de flipper. Ouais, il est soufflé le mec. C'est bon. Attends, je suis en mode. Putain, mon vieux, j'arrive pas. Fermez cette porte. Ouais, c'est bon. Ouais, mais bon. Bilal. Je vais me mettre en contact, les gars. Je l'ai niqué. T'as gagné. Ouais. Ok. Vince Libontaine. Vince. Yeah. 20h-23h sur Fun Radio. Libre antenne, Vince, on est là, dans la place, jusqu'à 23h. Soyez les bienvenus, et c'est l'artiste, et ça me va bien. Yeah! Ils nous font croire que la vie est belle, que rien n'est mieux qu'ici-bas. Ils voient le monde en isocèle, nous imposent leurs faux débats. J'entends parler d'un rituel, mais tout ça ne m'attend pas. Comme un funambule, une hirondelle, je suis sur un fil et ça me va. Je vais faire comme si mon cœur battait en BPM piano forte. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vie, ma mascarade. Je vais me dévoiler comme convenu, comme l'ont fait tous mes camarades. Et de vos yeux impudiques, vous devrez me juger. Et pour l'amour de la musique, je devrais tout sacrifier. Ma famille, ma vie, qui je suis, tout ça on s'en fout. Du moment que les sons tournent et qu'on puisse faire bouger les foules. Ça me va, ça me va. Ça me va, ça me va, ça me va, ça ira, ça ira, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me avion et quelques trains. Quelques années, je les rejoins. T'aurais voulu être l'artiste, je te souhaite bien du courage. Moi j'ai tué ma jeunesse, je suis la victime et le coupable. Des gosses qui pleurent, des gars qui t'envient, des propositions de femmes cougars. Et le boss qui veut absolument que tu viennes boire un verre au comptoir. Et mon foie dans tout ça, et ma foi dans tout ça. Ma foi de Ngouza, mais je suis marié, petite couscousa. Oh, ça me va. Bonsoir tout le monde, bonsoir la Belgique, je suis de retour pour Man. Et bonsoir à... Ah, je sais parce qu'il y a le micro qui se balade. Est-ce que vous m'entendez les amis à Bruxelles? Oui. Ah génial. Bonsoir Kaufman. Bonsoir Franz Zuzi. Bonsoir. Bonsoir Tonton Roger. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Ça a été avec le petit Alan là, vous l'avez passé à l'antenne ou pas? Ah, il a été très très fort. Très très fort. Ah bon, à ce point là, aussi fort que ça. Ouais. Je me demande si d'ailleurs on le préfère pas à toi. Calme. Bon les amis, je vous explique. Je viens de terminer un mix là à l'intérieur du club où c'était effectivement blindé. Et là, il y a de plus en plus de monde. Malgré la pluie, les gens ils se disent, tu sais quoi, voilà, on est en vacances, on s'en fout, on va faire ça tranquille et tout. Et ce qui est vachement fort, alors si vous avez coupé, c'est normal, je suis pas à la table de mix. Et ce qui est vachement fort, alors toi, touche pas à l'ordinateur. Il y a une auditrice, elle est là, elle touche à mon ordi, genre normal, c'est. Tant qu'elle touche pas à ton joystick, tout va bien. Ouais, voilà, mais oui, bon, ça, je peux déjà maintenant, j'ai peur pour la suite. Vous m'entendez toujours bien, les gars, vous êtes ouais. Pur, tout va bien. Ouais, ouais, ça va un peu. Alors, il y a de plus en plus de monde ce soir à Grenouillère du côté de Hatt. Donc, je vous invite à nous rejoindre si jamais vous désirez venir. Donc, c'est pas loin de Leuzon et tout. Il y a franchement, et franchement, c'est un beau délire là. Alors, à l'intérieur, on a foutu le bordel d'ailleurs. Alors, j'ai fait un live Facebook, je suis désolé, Kaufman, je me suis trompé de page. C'est pas grave, il y a une lettre qui porte un intitulé C4. Non, c'est, mais non, c'est une lettre de renvoi. Tu vas exploser. Oui, bien sûr, avec du C4, oui. Ouais, non, blague à part. J'étais dans la précipitation du mix. Et franchement, les gens, ils sont très très chauds. Donc rejoignez-nous. Il y a tout le monde, il y a tous les âges, ça qui est cool. Bien sûr, il y a plus de jeunes, ça c'est évident. Bien entendu. Donc, tonton Roger, dommage pour toi. J'ai envie de dire. Non, tant mieux pour lui, tu veux dire. En attendant, j'ai des auditrices qui sont avec nous. Pendant que Alan veut me communiquer une info. Ah, j'ai une auditrice. Alors, attends. Alan, qu'est-ce qui se passe? Alan, il m'envoie des gens là. En gros, David, Barbet, oui. J'ai demandé deux personnes. Ah oui, on a deux personnes, effectivement, je confirme. Alors voilà une fille, je sais pas comment elle s'appelle, t'appelles comment? Audrey. Bon, Audrey, tout va bien, tranquille, t'as un micro, hein, vas-y, n'hésite pas. Il peut fonctionner, vas-y. Voilà, on t'entend, vas-y Audrey. Audrey, tu peux parler dans le micro, s'il te plaît, dans le micro. Ça va Audrey, tu vas bien? Oui, ça va, et toi? Ah, ça va, génial. Bon, ça va, la pluie, elle te ralentit pas trop, c'est pas trop saoulant la pluie, là? Non, bah un petit peu, mais ça va. Bah, tu vas t'y faire, t'inquiète pas. Bien dans le micro, comme si tu voulais l'embrasser, ouais. Voilà. Ah, ouais. Ouais, non, mais pas plus, hein. Avec un micro, j'aurais pu aller plus loin dans le jeu de mots, tu vois, mais j'ai pas pu. Audrey, bienvenue à toi. Toute la Belgique t'entend en ce moment même. Ah, super. Ça te met un gros coup de pression, hein. Alors, Audrey, tu viens d'où, dis-moi? De 9 maisons à Saint-Guilain. 9 maisons. Moi j'en ai qu'une, ça me suffit. Hein, c'est un village. C'est un village qui s'appelle 9 maisons. Oui. D'accord. Alors on salue tes copines là qui sont en train de faire des photos. Coucou les filles. Génial. Coucou. Voilà, nous aussi on va faire des photos, on peut vous les mettre sur la page Vince. Alors Audrey, ce soir tu vas affronter pour un quiz de la libre antenne. D'accord. Voilà, tu vas affronter un autre auditeur qui s'appelle, bonsoir, t'appelles comment? Je suis désolé, je m'appelle Charles. Ouais, tu t'es désolé de t'appeler Charles déjà pour commencer. Avant de commencer, ouais. Charles, dis-moi, raconte. Non. On l'entend mal, Vince. On vous entend moins bien. On l'entend mal, Vince. Attendez, c'est normal. Je vais essayer de régler ça. Voilà. Est-ce que vous entendez mieux là? Est-ce que c'est mieux? Il y a ton micro qui saccade un peu. Ouais, ça saccade ouais, un peu. Ouais, je sais, c'est trop chou. Moi, j'ai pas envie. Là, ça devient très mal. Là, ça devient. Voilà, là, c'est mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Ouais. Voilà, on est bien. Ouais, non, désolé, mais on voulait pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a eu de la pluie, c'est pas une blague. Il y a eu de la pluie, je vous l'ai expliqué en début d'émission, qui est tombée sur la table de mix. Ah oui. Ça me fait marrer parce que je suis en fin de saison, je m'en bats les couilles. Mais heureusement que c'est ma table de mix, sinon j'aurais un mail du directeur qui me dirait: hey Vince, il se passe quoi avec la table de mix? Mais en gros, on nous a mis une tonnelle qui supposait retenir l'eau, sauf qu'il a plu sous la tonnelle, elle ouais. a pas tenu, tu vois. Donc en gros, la table de mix, elle est gorgée d'eau. Donc si je me relève, tout va bien. Alors, Audrey et Charles. Alors Charles, tu t'es excusé, pourquoi tu t'es excusé de t'appeler Charles? J'aime pas mon prénom. T'as pas ton prénom, mais frangin, t'inquiète pas, y a pas de souci, c'est ton prénom, il est sympa. T'as le prénom du Premier ministre belge. Ça fait un peu bourge, tu vois. Bah, un peu bourge, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton portefeuille? Rien. Ah, ton prénom ne va pas. Ah. Vite, ça aurait fonctionné avec le portefeuille. Alors, les amis, on va faire un quiz maintenant en direct sur Fun Radio. Je vais vous poser des questions. Des questions d'ailleurs que mes amis, que vous n'entendez pas, peuvent me poser dans l'oreille. Donc, ce qui veut dire que à Bruxelles, vous allez me poser des questions, je vais leur poser. Exact. Coco. Non. Nous allons vous poser des questions. Attention. Et c'est le premier qui répond. Ce soir, hein. C'est le premier qui répond. Il y a l'un d'entre vous qui va gagner. Il va repartir avec un cadeau de Kaufmann. Kaufmann, tu offres quoi ce soir? Toute mon amitié. On est en fin de saison, j'ai plus. Toute ton amitié, c'est très bien. Donc je valide. Alors, donc tu parles d'une amitié. Ah oui, donc tu parles du jeu. De quel jeu vidéo alors? Amour, gloire et beauté. Non, on va offrir un jeu PS4 en espérant qu'ils ont PS4, une console. Très bien. Alors, t'as une PS4 ou pas? Ta copine a une PS4 ou pas? Bah, tu lui donneras à ta compine. Et Charlie là, alors attention, on va commencer. Première question, je vous écoute à Bruxelles. Alors. Non, Coralie. À quelle saison sommes-nous dans la libre antenne? Très bien, alors à quelle saison sommes-nous dans la libre antenne? Si vous avez la réponse, vous dites votre prénom et puis je vous écoute. Quelle est c'est la saison numéro combien de la libre antenne sur Fun Radio? Toi, tu dirais 4. Mauvaise réponse. 6. Mauvaise réponse. Bip. Pour 6. Alors attention, vous pouvez toujours redonner jusqu'à quelqu'un ait la bonne réponse. C'est le premier qui donne son prénom. Je le valide. 5. Alors Charles, je t'écoute. 5, bonne réponse. Ouais, ouais. Bravo. Déjà un point. Ça c'est très très bien. Attention, question numéro 2, je vous écoute à Bruxelles. Qui est la chanteuse de l'émission? Alors attention, qui est la chanteuse de l'émission dans la libre antenne? Quelle est la chanteuse de l'émission? Le premier qui a une idée, il balance son prénom. La chanteuse, putain. Il y a une chanteuse dans l'émission. Bah oui, il y en a qu'une. Ouais, mais attends, mais il y a quelqu'un qui l'a décrit et tout. Dis-moi, Charles. C'est une animatrice, ouais. Qui est chanteuse aussi. Ah, Audrey, tu proposes? Lara. Bonne réponse. Ouais. Ouais. Égalisation, ça fait 1-1. Partout. Attention, on passe à la suite. Il y a de plus en plus de monde là ce soir à la Grenouillère, là à l'extérieur, c'est vraiment la folie malgré la pluie. Les gens viennent se poser, donc ça c'est cool. Attention, question numéro 3. Bruxelles, c'est à vous. Bruxelles. Nous te recevons. Quel est le nom de stripteaseur de Roger, enfin, de tonton Roger? Quel est le quoi? Le nom de stripteaseur. Eh ben bah, moi je. Ah oh, ouais, si. Putain. Mais bah, moi j'ai oublié. Mais alors non. Quel est le nom de stripteaseur, le pseudonyme de stripteaseur de tonton Roger? Alors, mais c'est qui tonton Roger? Le stripteaseur de tonton Roger. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, tu proposes quoi? Jackie et Michel. Bah, c'est la mauvaise réponse. Ouais. Ça aurait pu. La réponse, c'était Fritz le stripteaseur. Je vous en veux pas, moi-même, j'ai oublié, moi. Fritz le stripteaseur, ouais, c'est un nom sorti de nulle part. Alors, attention, Coralie, nouvelle question. Qui a gagné la finale de Mon Incroyable École? Ok, qui a gagné la finale de Mon Incroyable École 2016? Lezan Heno. USP Lezan Heno. Charles, c'est une bonne réponse. Ouais. Joli. Bravo. Ah ouais, c'est là. Et directement, il a sauté dessus. Hein. Tu viens de quelle école, toi, Charles? C'est l'ESP. Ah bah voilà. C'est qui a gagné. Ça, c'est bon, ça. Attention, donc là, pour l'instant, on est à combien là? Je pense qu'on est à 2-2. 2-1. On est à 2-1. On est à 2-1. Attention, il reste deux questions. Vas-y, Coralie. Avec qui Coralie sort-elle? Oh là là, avec qui Coralie sortait? Sort-elle. Actuellement. Et sortait actuellement. Avec qui de Fun Radio Coralie sort? Voilà. De Fun Radio, ouais. Vince. Ah bah, ça aurait pu. Je n'assume pas. Alors Coralie, non, ça n'aurait jamais pu entre toi et moi, je le précise. Je le confirme. Jamais de la vie. Jamais. Attention, droit de réponse à Charles. Charles. Gilbert. Et bah, mauvaise réponse. Gilbert Open Space, ouais. Mike Open Space. Mais ouais. Mike Open Space. Ok, bon, il me regarde avec un air genre. C'est qui? Mike Open Space. Voilà, c'est l'émission qui est juste après moi sur Fond Radio de 23h à 2h. Comme ça, vous savez. Attention. Il y a une possibilité d'égaliser, vous repartez tous les deux avec un cadeau. Ou alors ça reste comme ça et c'est foutu. Alors attention, dernière question, j'écoute Bruxelles. Alors, quel est le nom des youtubeurs de l'émission? Ok, quel est le nom des, du, ou des? Des deux youtubeurs. Quels sont les noms du, quel est le nom du duo de youtubeurs qui sont dans l'émission sur Fond Radio? Ils sont youtubeurs, ils font des centaines de milliers de vues. Ouais. Et ils sont dans l'émission. C'est vrai. Ils font quoi comme genre de vidéo? Ah, alors si je donne des indices, je peux vous dire c'est un garçon et une fille. Je peux vous dire c'est un garçon et une fille, ils sont à deux. Ils font des trucs ensemble. Ils font des trucs ensemble, ouais. Je sais pas. Alors attention, ils ont une chaîne pour rigoler, ils sont en couple, ils ont une chaîne pour rigoler et une chaîne de make-up. Oh, Enjoy Phoenix et Wartech. Ça on les appelle comme ça en Wallonie, Enzo et Phoenix et Wartech. Eh, malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Non. Attention, tu peux égaliser pour gagner Audrey. Moi, j'ai aucune idée. Elle cogite. Il y a personne qui sait. Alors que c'est les youtubeurs belges les plus connus. C'est vrai que c'est les youtubeurs belges les plus connus. Mais ils ont les noms sur le bout de la langue, hein, sans mauvais jeu de mots. Propose Maria et Olivier. Non, c'est pas ça. C'est pas la même maison, je pense. Non, vraiment pas. Je sais pas de quoi tu parles, mais c'est pas grave. Ah, Charles, non, une idée personne. C'était Enzo et Luffy. Oui, oh. Enzo et Luffy. Alors, je précise, si Enzo et Luffy nous écoutent, vous avez encore du travail pour votre notoriété, les amis. Non. c'est pas gentil, Il y a encore du taf. Ce qui veut dire que c'est Charles qui a gagné. Bravo, Charles. Bravo. Et tu vas faire un petit speak, toute la Belgique t'écoute, vas-y. Donc, je voudrais faire une dédicace à mon pote Grégoire Roinx. Ouais. Bien ou bien? Ouais, bien, ça va. Et à tous mes amis, je les aime, voilà. Ça va la pluie, tu vas gérer avec la pluie là? Non, la pluie ça va, on boit, pas de problème. Tranquille, hey, tu passes tes coordonnées à Alan. Tu sais, sur le petit mec, Méclichon, Greg Alec, t'as vu là? Ok, super, n'hésite pas, vas-y, tu lui files les coordonnées. Ah. Les filles, pas trop déçues, ça va? Bah non, on a pas de place 4. Oh là là, oh les pauvres chéris, bon c'est pas grave, ça va bien se passer. Hey, vous restez malgré la pluie, on est d'accord, hein? Oui. Oui, oh, c'était tout mignon. Juste, je voudrais savoir un truc. Une question comme ça, vous écoutez quoi comme musique? Ça m'intéresse, je voudrais vraiment savoir. C'est quoi votre style musical? Vraiment la musique vraiment qui vous fait kiffer? C'est quoi votre son? La musique de Vince. Oh, ça fait plaisir ça, putain. Eh, c'était easy, c'était facile. Ah, c'est pas que le jeu PS4 qu'elle veut, Vince. Écoute, attends, je lui pose la question. Tu as quel âge? 18 ans. Ça va, je vais pas aller en prison ce soir. Un bisou à Capucine, si elle nous entend. Capu, bisous, Capu. Elle est en train d'écouter en voiture, elle arrive ici. Super, hey, Capucine, si tu viens, t'as une condition, si tu viens, tu m'offres ton soutien-gorge. Mais les chauds, Vin, ce soir, c'est incroyable. Elle a 18 ans. Ah, ça va. Eh ben, Capucine, quand t'arrives, tu m'offres ton soutien-gorge. Mais en tout bien tout honneur, je ne veux rien voir derrière, je ne veux pas voir ce qu'il y a en dessous. Voilà, ouais. Capucine, donc bonne route à toi et sois prudente sur la route parce qu'il pleut. Mais alors, quel est l'intérêt? Bisous, les filles, je vous fais un câlin, bisous. Moi. C'est un bisou bizarre, je l'ai cogné la pauvre Audrey. Merci, les filles, amusez-vous bien. Bon, les amis, on a encore des défis pour tout à l'heure. Il y a plus en plus de monde et d'ailleurs, moi, je propose quand vous avez fini l'émission, rejoignez-nous. Ou alors, vous allez dormir, toi Kaufman et François Zich. Moi, je vais dormir. Moi aussi. Ouais, je vous connais trop, les mecs. Et moi, je suis. Coralie, bah t'as pas de véhicule toi. je viendrai en vélo. Mais je crois qu'elle a un service à te demander tout à l'heure en fin d'émission. Ah oui. Et on va le faire à l'antenne. C'est quoi le service? Bah tu veux lui dire maintenant? Mais moi j'ai rien à demander. Si, c'est Kaufman qui. Elle m'a dit je dois lui demander quelque chose. Je lui dis ouais mais quand? Bah sur Facebook. Mais quand? Bah pas maintenant. Ah le dilemme. Et moi j'ai dit que c'était maintenant. Et bah ça c'est du Kaufman tout craché à inventer plein de trucs. Je suis pas d'accord. C'est pas vrai? Tu veux que je te dise le service en quoi il se résume? En un cri. Libertad. Ah, Vas-y Coralie, je t'écoute. Non, non, on va en parler en privé. Non, non, non. On non, en non, parle non, maintenant. Eh, hey, attends, c'est la fin de la saison. On peut tous dire ici. Tienne. On peut tous dire, on se dit tout, voilà. Françoise, je t'ai viré. Voilà. Merci, c'est gentil. Avec plaisir, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, non, sérieusement, sérieusement. Vas-y, Coralie, dis-le nous, là. D'accord, en fait, Mike... Fais gaffe, si tu manges, je le dirai. Hein. Là, je suis plus, je bosse plus avec lui parce qu'on s'est engueulé et tout, voilà, on s'est un peu séparés. Et il m'a dit, ouais, demain, j'ai une surprise pour toi. Et du coup, il me dit, ouais, viens dans l'émission, viens dans l'émission. Et bah, je lui dis, bah, je sais pas, écoute, je sais pas. Et du coup, voilà, bah, je voulais te demander, vu qu'on s'était dit que... Alors, du coup, je ne... Ok, ok, bon, c'est pas parce que vous vous êtes engueulé, c'est parce que t'as déconné que t'es pas dans l'émission. J'avais dit d'être honnête, hein. Lui il allait dire toute la vérité, je t'avais prévenu. Gars, moi je dis la vérité, je dis les oui, aussi, même, aussi, aussi, aussi, voilà. Aussi, on s'est engueulé, voilà, mais il m'a dit ouais, demain j'ai une surprise pour toi. Et du coup, je dis bah ouais, faut que je demande à Vince, je dois voir et avec je lui. Et lui dis quoi? Je dis Vince va dire oui. Ah, ah bah, eh bah non. Et c'est exactement ce que je lui ai dit. Oh là là. Non mais bon, moi je suis pas un casse-couille, vas-y, tu peux faire l'émission de Mike, y'a pas de problème. Ah, regarde comme elle sourit. Attends, à croire que tout à l'heure elle était de mauvaise humeur quand on la voit, quoi. Elle a mieux sourire, donc voilà. Donc tu vas rester pour les... Tu vas faire son standard si je comprends bien. Voilà, c'est exactement ce que je voulais te demander, qu'elle a posé. Oui, non, demain, bah, gars, demain. Ouais, c'est bon, pas de stress. Non, voilà, saison, que tout se passe bien pour tout le monde. Si t'as envie de faire l'émission de Mike avec le standard, vas-y, fais-le. Voilà. C'est là que tu m'en parles avant, ça fait plaisir. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Je me sens bien dans mon rôle de boss, tout va bien. Merci, merci. C'est gentil. Quel boss magnifique. Parce que j'étais béni. Bon les gars, alors tout de suite, je sais qu'il y a la musique. Il y a quoi qui arrive là, Franzosich? Era et Streffi. Ah, avec Bonbon qui était d'ailleurs, oui, notre invité sur Fun Radio il y a quelques jours de cela. Donc vous allez entendre prochainement, à mon avis, l'interview sur Fun Radio. Donc vous oui, ça sera sur les réseaux sociaux de Fun Radio. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus ici, déjà, vous nous écoutez sur 104.7 à Bruxelles sûrement, mais si vous voulez nous rejoindre ici même, à Hatt, Lezan Hainaut, Lessines et tout ça, il y a un gros événement de ouf qui est en train de se dérouler, qui s'appelle le Summer Break. J'ai vachement flippé parce qu'on a démarré l'émission avec une rage de ouf, j'ai dû protéger le matos, donc ça veut dire que j'ai commencé l'émission avec personne devant, et là c'est cool, il y a du monde, il y a plein de monde à l'intérieur, parce que c'est sûr qu'il fait meilleur à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais ça se remplit de plus en plus, c'est un chouette événement, donc on va publier des photos, enfin tout ça va un petit peu tourner, et ça se trouve je vais encore mixer tout à l'heure après l'émission. Donc vous êtes les bienvenus, rejoignez-nous ici même à la Grenouillère, il y a plein de jeunes, il y a que des jeunes, et surtout il y a blindé d'auditeurs de Fun Radio. Alors je vous dis, les trois quarts sont timides, mais quand je me baladais là tout à l'heure entre les platines DJ et ici, il y a tout le monde qui m'a demandé pour passer à l'antenne, pour faire des délires. Alors on va essayer de les choper au fur et à mesure, sur la mesure du possible, parce que je peux vous avouer que l'alcool coule à flot, ce que je ne fais pas non plus. Ah ouais. La différence avec mon incroyable école, c'est qu'on a réussi à créer un événement de ouf sans alcool. Bon là, l'alcool est là, tu vois. Donc on sélectionne. J'ai pas envie de quelqu'un qui arrive à l'antenne et qui vomit sur mon matos, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc tout va bien. Les amis, Libre Antenne et Rise Traffic qui arrivent tout de suite sur Fun Radio avec une équipe en forme. Oui. Moi, voix de Fun Radio, j'écoute Vince de 20h à 23h car ça met de bonne humeur. Gagnez votre paire de baskets Nike personnalisées grâce à Fun Radio. Dès lundi, écoutez Evan et la tribu de 6h à 9h. Et gagnez votre paire de baskets Nike, entièrement personnalisées par vos soins, en envoyant Nike au 6322. Un nouveau message. Merci Fun Radio, merci. Les cadeaux les plus fun, c'est uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. You are the shadow. You feel us another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Where are you now? amis. Vince de 20h à 23h sur Fun Radio. Et bienvenue sur Fun Radio, j'espère que ça se passe pour vous, la libre antenne. On est en direct, tranquille, depuis le summer break, avec le son des rails très vite tout de suite. Alors attention les gars, j'ai un auditeur, il est trop original. Et oula, il y a des demoiselles qui arrivent. Doucement avec la bière. Oulala. Ah, on perd Vince. Hey. Bun bun, other nurses buns bun, dun dun. Bet you wanna taste it, bun bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty dun dun dun. Bun bun, other nurses buns bun, dun dun. Bet you wanna taste it, bun bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty dun dun dun. Sur Fun Radio, on est en libre antenne, j'espère que ça se passe tranquille. Et bon, alors je crois que vous avez entendu un petit peu ce qui s'est passé. On m'a foncé dessus, et d'ailleurs, il y a des demoiselles qui sont là. Ça va les filles? Ouais. T'appelles comment? Johan. Ça va Johan? Et tu m'as l'air vachement festive là aujourd'hui. Moi j'ai pas compris. Tu m'as l'air. Bref, j'ai pas compris. On fait la fête, ouais. C'est un bordel de ouf. Ça va les filles, tranquille? Quoi? Ah, toi, t'as senti la pression du direct, hein? Ouais. Je m'appelle Noémie, je fais un bisou à ma soeur Elisa qui écoute Fun Radio. Vive les Quentraines! Eh, vous êtes quelle école en fait? Saint-François. Et c'est bon ça, mais quoi? Attends, mais c'est dingue! En fait, vous savez que vous avez gagné quand même mon incroyable école, les filles! Ah, toi t'es pas au courant! Attends, parce que toi t'es CESP. Ah non, Saint-François, toi t'es CESP. Donc c'est toi la gagnante en fait, les autres elles puent, c'est ça? Ah bah voilà, bah bravo, t'as gagné, félicitations! Oui, merci beaucoup! Je t'en prie, avec plaisir. Non, je rigole, les filles. Bon, en tout cas. Je vous propose un truc, faites la fête tranquille, passez quand vous voulez ici, si jamais vous avez envie de faire un petit coucou et tout ça. Et puis n'hésitez pas à dire à toute la foule qu'on est en direct sur Fun Radio, ça roule. Ouais bah vas-y mollo avec la bière, t'as quel âge? 18. Ah bah ça va, fais-toi plaisir, alors je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. Maman diront rien. Attends, on connaît un rayon là-dessus. Juste là, si tu m'écoutes, je te fais un big up. Love Molly et Chloé. Molly et Chloé, on vous fait un gros bisou. Merci les filles, hey, faites encore un maximum de bruit pour vous s'il vous plaît. Waouh. Bon les amis, alors en fait ce qui se passe depuis tout à l'heure c'est que on me guette de loin et dès que je prends le micro, T'as des gens qui viennent autour de moi, genre ouais, je peux faire un big up. C'est énorme. Donc voilà. Bon, alors justement, tout de suite sur Fun Radio, on aura le TTFX qui va débarquer. Ouais. Les meilleurs moments que vous avez choisis d'ailleurs, les auditeurs de Fun, via la page du Brent & Vince. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passe, quel est ce boucan, je comprends pas. Je vois une vidéo sur Facebook qui traîne avec un mec qui est en train de. Vince qui est en train de mixer, pourtant il est en train de faire l'émission et tout ça. On est en direct de la Grenouillère actuellement. C'est du côté de Hatt, les amis, donc rejoignez-nous. Hein, Lezon et nos Hatt, les signes dans les parages. Donc la Grenouillère, vous checkez sur le net. Pour le Summer Break, voilà, c'est tous des jeunes qui nous ont invités. Ils ont été super cool. Ils viennent de plein d'écoles de la région et ils nous ont contactés en disant ouais, Vince, vous n'avez pas envie de faire votre dernière ici. Alors finalement, on fait l'avant-dernière ici. Et ça qui est cool. Donc voilà, on en profite tranquille. Et j'ai croisé des auditeurs, dont une, figurez-vous, et Kaufman, ne sont pas jaloux, qui m'a filé une PlayStation 1. Non. Ah ouais. Si, si, une collector, elle utilise. Mais non. Plus. Bonsoir, t'appelles comment? Bonsoir, Mélanie. Ça va, Mélanie? Ça va, ça va. Alors, Mélanie, j'ai croisé tout à l'heure, elle me dit, mais regarde, Vince, que tu me reconnais. Alors, moi, Mélanie, je la regarde, je dis, mais je t'ai déjà vu quelque part. Elle me dit, oui, je t'ai donné une PS1. Et je me dis, mais ouais, c'est vrai, avec ta grand-mère. Ouais, je suis venue avec ma grand-mère, j'ai fêté mes 17 ans en fin de radio. Et t'as quel âge maintenant? 21. Oh, putain, non. Vieillie, les gars. Cette émission vieillie, hey, c'était il y a 4 ans, quoi. Bah moi aussi j'ai vieilli, c'est ça qui est chiant. Ouais non mais ça se voit, t'as de plus en plus de cheveux blancs. C'est... Non je rigole, t'inquiète pas. Alors t'es pas toute seule, t'es avec un pote à toi qui est aussi auditeur, il s'appelle comment? Donc c'est mon homme. Ah c'est ton homme, c'est pas ton pote, rien à voir, ça va plus loin, high level et tout. C'est ton mec depuis combien de temps? J'ai pas compris. C'est ton mec depuis combien de temps? Ah ça va faire 2 ans. D'accord, ah, rien à voir, et t'as largué l'autre mec avec qui t'étais venu à la radio? Non je te mets mal à l'aise. C'est pas vrai, je mens, je dis des conneries putain. Alors il s'appelle comment? Jean-Luc. Bonjour. Ça va Jean-Luc, tranquille? Ça va. Alors Jean-Luc, c'est un truc de ouf, je vous explique. Ils sont auditeurs de Fun et il m'a filé une carte, il m'a dit ouais vite je fais ça comme métier. Sur le coup, j'ai pas compris, je lui ai dit attends frangin, faut qu'on en parle à l'antenne. Il fait quoi comme alors, métier? François, il fait. Attends, je vous explique. Jean-Luc, il a un autre pseudo et son pseudo c'est François-Claude. François-Claude. Il fait Claude François en fait. En fait, Jean-Luc, âgé de 26 ans, je lis sa carte. Troisième finaliste à la recherche du nouveau Claude François en 2010. Donc le mec, il joue Claude François sur scène. Et son film préféré, c'est Podium. Alors c'est quoi ton film préféré? Pardon? Ton film préféré, c'est quoi? Le film Clo-Clo qui est sorti il y a pas très longtemps. Ah bah presque. Voilà, bah, c'est plus que Podium. Alors bon, moi je le vois comme ça, je me dis, le mec, on va pas me dire qu'il va me faire Claude François. Bon. Et il lui ressemble. Un truc, alors, il y a franchement. Il y a un petit air de ressemblance. Bonsoir les filles, salut, ça va bien, tranquille, je vous fais la bise. T'as dit quoi? C'est le lapin. Ah c'est Anne le lapin qu'on avait vu, que j'ai vu à l'événement. À l'événement Fond Radio là, c'était la garden party à Hatt. Ça va, tu vas bien? Si t'es en direct. Je suis en direct, tu viens de me casser avec Claude François, c'est pas cool. Ça va? Enchanté Claude François. Non mais c'est pas une blague, c'est vraiment, il fait vraiment des représentations Claude François. Et ils sont tous bourrés ou quoi là-bas? Je crois aussi. Ouais. Qu'ils fassent attention et qu'ils mettent pas Clo-Clo dans la flotte avec le micro. Hein. Alors, ça va, Lou? Alors, je vous explique, l'auditrice, elle ressemble trop à Louane, mais rien à voir. C'est pas. Je mettrai une photo et tout ça et vous direz que c'est vrai. Ça va, je vais faire genre que Louane, elle est venue en choquer. Ça va, tu vas bien aussi? Très bien, ouais, en forme. Ça fait plaisir, vous êtes venu me faire un petit coucou. Donc, on parle avec vous dans 2 minutes, Vince, ça vous dérange pas? Vince! Ça va? Oui, je vous écoute à Bruxelles. Je vous Vince, écoute. Le mouille pas trop, hein, Clo-Clo quand même. Non, pas de soucis. Tu disais. Moi je disais, tous les gens qui écoutent Fun Radio en ce moment là, franchement faut venir à la Summer Break parce que vous ratez un truc de malade. Ouais. C'est sûr, c'est pas un énorme événement, mais il y a des putains de DJ et en plus il y a un panda. Ouais, il y a un panda. Pour la Belgique, franchement. Elle fumait, elle, moi, en tout cas. Mais mollo, quand même. Il y a un panda géant, Vince. Attends, 20 ans, fais ce que tu veux, ma chérie. Tu peux me sortir avec un mec au hasard. C'est la sœur de Coralie, apparemment. C'est la sœur de Coralie, rien à voir. Les 14 ans, je vous aime bien quand même, les gars, franchement. Venez à nos soirées. C'est la fille de tonton Roger, oui. Attends, je vais l'amener demain. Et les atouts encore meilleurs, venez à la Ducasse d'Hatt. Ouais. Ils sont motivés. Merci à vous, les filles. À tout de suite. Alors. Vince, c'est un star de 63 bières à boire. Alors, moi, qu'est-ce que je bois? Honnêtement, je vais prendre un petit verre d'eau. Ouais, c'est ça. Ok, tu choisis ce que tu veux, vas-y. Ouais, bah, je te mets une vodka. Non, champagne. Non. On va pas finir l'émission. Moi, mon style, c'est du champagne, mais je vais terminer l'émission avant le champagne. Ouais, et tu termines quand l'émission? Je termine à 23h l'émission, c'est-à-dire dans plus ou moins 55 minutes, dans une heure. T'as réservé une chambre, Vince? Après, je ferai la soirée avec vous et avec tous les auditeurs. Tu déconnes sur scène, tu fais le malade. Y a pas de problème, c'est prévu, tout ça, c'est prévu. Je te filme, je veux te voir sur scène. T'inquiète pas, y a pas de soucis. Je te filme sur scène. Attention, on me demande si j'ai apporté des cadeaux. Bah, Kaufman va arriver. Ça va. Si t'as apporté des cadeaux, c'est cool. C'est cool. Merci à vous les filles. À tout de suite, à tout de suite. Alors attention, parce qu'il y a le TTV qui va débarquer, mais rapidement, je voudrais que François Claude, qui s'appelle en fait Jean-Luc, hein, c'est ça, c'est Jean-Luc. Hein, d'accord. Non, non, parce que François Claude alias Jean-Luc. François Claude, et moi je dois te transformer dans la tête Jean-Luc, les gars, comme voilà, comme Kaufman dit Smart, c'est normal, je dois me mettre dans le bain. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te passer le micro, Jean-Luc. Tu vas me montrer à quel point t'es Claude François. Je demande aux auditeurs au 30-44 de me dire à quel niveau sur 10 il est Claude François. Alors, la chanson que tu veux. Attends, je vais laisser Bruxelles choisir. Bruxelles, vous choisissez quoi? Alexandra. C'est bon pour toi? Ok, il va faire le refrain. Alors, juste un truc, les gars. Étant donné qu'il pleut et que j'ai tout le matos, on va finir comme Claude François. Ah, t'as besoin d'un casque? Allez, vas-y, je suis gentil, tiens. Ah, attention, parce que c'est un peu le bordel. Je vous explique, j'ai deux casques. Alors, tu vois, celui-là. Là j'ai deux casques en fait, un casque qui me permet de m'entendre et un casque qui me permet de vous entendre, c'est magique. Bon, t'es prêt Jean-Luc? T'as le micro, à toi de jouer. Allez, je vais faire le refrain. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, oh, la lumière du port d'Alexandrie fait les papillons de ma jeunesse. Le son dance floor. Voilà. Alors les gars, vous avez pensé quoi? C'est de la merde. Non, c'est bien. Franchement, ah ouais, pour ce qu'il a fait, vous l'avez même pas applaudi. Ah non, ouais. Non. Ça vous a laissé bouche bée. Eh les gars, vous êtes nazes pour mettre l'ambiance à Bruxelles. Hein. Ah, il y a de l'ambiance ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, quand on est en tournée, il y a toujours de l'ambiance. Alors maintenant, je vais voir au 30-44. Vous me dites combien vous lui donnez sur 10, on va checker ça juste après. Je suis très sûr que tu veux faire ça, Vince. Hein. Oui. Alors, on va dire 0. Je suis sûr. 0,5. Alors, à quelqu'un donner 7. Quelqu'un donner 7. Voilà. Quelqu'un donner 7, ça me fait plaisir. Bon, les amis, oui. On arrive dans 2 minutes sur Fun Radio. Oui. François, tu as le choix. Ou on se fait un TTF que les auditeurs ont choisi via la page d'Ibantin Vince. Ouais. Ou alors, de l'autre côté, on peut se faire un son. Tu choisis, tu fais quoi? On fait un son, c'est mieux. Hein. On commence par un son. Tu proposes quoi? Je propose Alan Walker. Alan Walker, c'est ouais. Bon ça. Eh ben voilà, on se plaisir avec Alan Walker tout de suite sur Fun. On est en direct de la Grenouillère du côté de Hatt, les amis. Rejoignez-nous si vous êtes bien sûr les bienvenus là pour le summer break. Il y a 2000 personnes devant nous, c'est un truc de ouf. On arrive tout de suite, bisous. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Sing to me, sleep now. Sing to me. Bienvenue sur Fun Radio Libre Antenne en direct du Summer Break. Ah, ah, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Je suis en direct et tout le reste de la team, ils sont à Bruxelles, ça va les gars? Ouais, ouais. Allez, tout de suite sur Fun Radio, ça va être le TTFS qui va débarquer, vous l'avez choisi sur la page Facebook Libre Antenne Vince. A tout de suite, on arrive. Let's go. On espère que ça va bien se passer, mais il y a très peu de chance. C'est le TTFX sur Fun Radio. Louise, c'est parti. On te met en antenne, ok? Tu peux écouter tout ce qui se passe et tu peux réagir quand tu veux. Ça va? Ok. Allez. Coralie? Oui. Bon chance. On appelle, c'est parti. Allez. Est-ce que ça va sonner? Ouais. C'est la grande question, en fait, à chaque fois. Est-ce que ça va sonner? Est-ce que notre standard va appeler? Ouais. Le standard appelle. Ah. Ah, allô? Oui, allô, Maxime? Quoi? Maxime, c'est toi? Ouais. Ouais. Dis, en fait, tu me connais pas, je suis désolée de te déranger à cette heure-ci, mais je t'appelle parce que je t'ai vu ce week-end au Touch, et voilà, tu m'avais un petit peu tapé dans l'œil, et donc j'aurais voulu savoir si on pouvait éventuellement un peu se parler, et peut-être se voir une fois. Coup de tête. Ouais, mais j'ai une copine. Œil au bord noir. Ah ouais, et tu veux quand même pas qu'on se voit, que je sais pas, juste qu'on aille boire un verre, tu sais, peut-être que je vais te plaire, je sais pas. J'étais au Touch, peut-être que tu m'as vu, Sébastien qui m'a donné ton numéro. Tu portais une robe assez moulante, noire. J'ai des cheveux blonds. Ouais, c'est possible. Ouais, amicalement, je pourrais, mais. Ah. Voilà quoi, pas plus. Sexuellement, quoi. Ah ouais, tu voudrais vraiment rien de plus? Bah, je sais pas, faut voir. Faut voir quoi? Oh putain, le mec est passé de longer. Bah, faut voir, je suis au feeling quoi. Mais Allez. Comme j'ai une copine, c'est chaud quoi. Ouais, mais elle est pas obligée de le savoir, tu sais. On peut se voir et elle sera pas au courant de toute façon. Elle fait ça bien, Coco. Ouais, je sais pas. Ah, c'est une putain. on peut déjà aller boire un verre et puis voilà, si jamais je te plais. Ouais, ça on peut toujours faire. On s'entend bien, on pourrait éventuellement, bah, je sais pas, faire un truc après. Et peut-être finir la soirée ensemble. Ouais, on peut toujours voir. Ouais. Et tu voudrais qu'on se voit ce week-end? Week-end. Comment ça? Bah, tu veux qu'on aille boire un verre ce week-end simplement et voilà et on pourrait se voir, on parlerait. Et voilà, je me ferais belle pour toi. Ouais. Et toi, t'as quelqu'un ou? Non, moi j'ai personne. J'ai personne. Comment ça va? T'as quel âge? J'ai 19 ans. Ah ouais. Et franchement, tu m'avais vraiment intéressé, tu sais, j'ai vraiment flashé sur toi, donc fallait vraiment que je t'appelle et voilà. Vraiment, mais tu tapais sur le téléphone. Mais je suis sûre que tu m'as vu, enfin, j'avais vraiment une robe noire moulante. J'avais d'assez gros seins, j'ai des longs cheveux blonds, j'avais un rouge à lèvres rouge flash et tout, donc il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient habillés comme moi. Bah ouais, il y a moyen, genre vendredi soir, si tu veux. Ouais. Ah, c'est pas mal. Et tu voudrais que je m'habille comment? 2 minutes 32, quoi. Ouais, comme tu veux. Comme tu veux, bah... Ouais, moi, j'ai pas de soucis, quand même bien féminine, quoi. Mais... Genre plutôt sexy ou normal? Ouais, sexy, c'est bien, toujours. Ne viens pas comme ça, Tom, ne viens pas comme ça. Ah, bah... Comme, enfin, toi qui décides. Moi, je m'habillerais sexy. Comme ça... je sais pas, peut-être que je te plairai plus et qu'on pourra aller chez moi après. C'est la première fois ou pas qu'il fait ça? Ouais, demande, pose la question. Ouais. Et tu vas souvent boire des verres avec des filles que t'as jamais vues ou avec d'autres meufs que ta meuf, quoi? Ouais, ça arrive, mais pas régulièrement. Et, en général, ça reste là, quoi. Ah ouais, il n'y a jamais rien de plus. Voilà, ok, il a ça pour lui. Non. Ah bah, il faut une première à tout, hein. Faut pas mourir bête. Exactement. Il a pas dit oui. Hein. Ouais, il a dit faut pas mourir bête. Ouais, il a pas dit oui. Hein. J'ai l'impression que ça fait plus de bien qu'en réalité qu'un mec, quoi. Mais ouais, mais enfin, on pourrait se voir. Enfin, franchement, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un truc en plus, quoi. Prends vraiment rendez-vous. Ah oui, on va y aller. Hein. Ah, comme je t'ai dit, faut voir. Faut voir. Mais ouais. Ouais, si jamais je te plais, c'est possible. Dans tous les cas, ce sera possible ou ce sera un non catégorique. Bon. Moi, une meuf comme ça. Non, tout est possible. Je veux dire, il n'y a pas un plan tarifaire. Avec elle, si. Ah, tu veux l'abonnement 4G Bah ouais, d'accord. Et enfin. Donne-lui un code. Donne-lui un code. Et t'aimerais qu'on fasse quoi Demande-lui c'est combien le volume du quota pour l'abonnement. Après avoir été boire un verre. Bah, je sais pas, on verra bien. Lui, il préfère PS4 ou Xbox. Se poser chez toi ou quoi. Mais... Ah, se poser chez moi, ouais, ça peut être sympa. J'ai un chouette appart. Fichier mec open space. Ah, bah, ça peut être cool. Ouais. La maison de campagne, Tonton Roger. Tu pourras peut-être regarder un film, quoi, dans mon canapé, tranquille. Dans le bateau, Tonton Roger. Ouais, tranquille. Dis que tu vas le toucher. Je vais mettre en location. Et, ouais. Vraiment... et si jamais, vendredi, s'il te plaît, et que je commence à t'embrasser, tu ferais quoi? Oh putain, moi je fouille, moi. Ah, si tu me plais, je laisserai faire. Peut-être. Tu te laisserais faire? Ah, c'est ouais. Cool, ça. T'as pas vu sa gueule. Et si je commence à faire plus. Quoi? Si je commence à faire plus. On va s'agir, attention. À faire plus que t'embrasses. On verra à ce moment-là. Si vraiment je te plais, hein, imagine vraiment que je te plaise et tout, qu'on s'entende bien, qu'il y a un bon feeling entre nous. Et ouais, comme je t'ai dit, il y a moyen, ouais. Ouais, mais j'ai envie de savoir, j'ai pas envie de me lancer et faire tout dans le vide au final. Ah, donc, bah, si tu non, si tu me plais, oui. Ah, si je te plais, oui, donc on pourra aller plus loin que simplement boire un verre. Ah, c'est sympa ça. Bon, vas-y, passe-le. Bah, attends, c'est chaud, hein. Je vais vite te passer. Attends, je te passe vite une amie, j'arrive. Attention, Louise attaque. Louise attaque. Oulala. Oulala, je sens que. Ah, Louise est online, mais. Maxime ah, si, elle sait. Allô Maxime, tu es là? Ouais. T'es vraiment un gros connard. C'est qui le mec? Louise, à ton avis, ta copine? Tu vois, celle que t'es censée être avec vendredi soir? Pas avec l'autre pouchasse? Ah, c'est une poufiasse. Ouais, mais bon, ouais, je sais pas. Ah oui, donc tu sais pas, donc t'en as rien à faire de nous deux. Bah, ouais, un peu. Dans la tête du mec. T'es sérieux, là? Ouais, mais tu me casses les couilles. Et deux ans de notre vie, tu fais quoi, là? Je voulais te quitter, mais voilà, juste... Enfin, je sais pas... J'avais pas envie de te quitter avant d'être sûr et d'avoir quelqu'un d'autre. Ah, je crois que Louis. Ah, voilà, tu voulais juste profiter de moi. Tu pouvais te taper une tête, ça te dérangeait pas. Voilà. Oh là. Ah, mais ça c'est vraiment comme ça. Je t'aime plus et c'est comme ça. De toute façon, tu me casses tout le temps les couilles. En plus, t'es rousse, donc. Mais t'es vraiment qu'un enfoiré, quoi. Bravo, Coralie. Bah, ouais. C'est comme ça, hein, tu sais, le prince charmant, ça n'existe plus. Hein. T'as fait vraiment bizarre, quoi. Ouais, c'est comme ça. Putain, je suis sûr que tes affaires, t'as intérêt à venir les chercher parce que je vais toutes les jeter par terre. Oula, elle est énervée, je crois. Ouais. Elles vont finir dehors, j'en ai rien à foutre si jamais quelqu'un te les prend. J'en ai rien à foutre, ta PS3, tout ça, ça va finir dehors. Oh non, tu peux me la filer, la PS3. C'est smart, ils y vont les occasions. T'es vraiment qu'un connard, j'en reviens pas, j'ai caché 2 ans de ma vie avec toi, quoi. Ouais. Bah, pas de soucis. Moi je m'en fous maintenant, je vais. Il va voir Coco. Quand il va prendre que c'est une vanne. Attends. T'as vu, même ma mère est d'accord. Ah purée. Ouais, mais ta mère, franchement, elle commence doucement à m'énerver, quoi. Elle s'énervera plus là. Bah, attends, bon, on va lui annoncer que c'est fun. Ta pote, ah, ouais, salut, c'est moi la pote, ça va? Alors, un peu très masculin, je trouve. Trop masculin. Bon, Maxime, techniquement, t'as rien fait de mal parce qu'il a rien fait. Hein. Non, mais il a dit oui quand même. Non, bah, il a dit oui, on se voit, il était d'accord, mais il avait pas dit qu'il allait plus loin et tout ça, les gars. Le pire, c'est quand il a eu sa petite amie, il lui a dit qu'il aimait plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Si il est encore net de le dire. C'est vrai. Bah, Maxime, t'as compris où t'es ou pas? À la radio. Eh ouais! Mais c'était pas une blague! Voix de Fun Radio. J'écoute Vince de 20h à 23h car ça met de bonne humeur. C'est clair que ça met de bonne humeur. Ça va tout le monde? Oui. Il est là en fait. Bah oui, bien sûr, je suis là. Moi je suis toujours là, moi je vous lâche pas. Hein. Bon les gars, je vous explique un truc. On est en train de traficoter le système électronique parce qu'en fait on a un micro portable. Mais le micro portable permet d'aller à genre 2 mètres autour du studio. Parce qu'il est dans une bonne boîte. Alors on va le sortir de sa boîte, ça va me permettre d'aller jusqu'à la scène et on va se faire un petit truc de fou tranquille tous ensemble. J'espère que tout va bien à Bruxelles. Je fais un big up à tous les auditeurs qui sont connectés. Demain c'est la dernière et si vous voulez passer à l'antenne de Fond Radio pour la dernière ou venir tout simplement nous rendre visite en studio, eh ben y a pas de problème, il suffit d'envoyer un mail à Kaufman david@fondradio.be. C'est aussi simple que ça. Ça va toujours tout le monde? Oui. Non, je demande, tu sais jamais, parce que je vous entends tellement peu. Tonton Roger, je crois que c'est la seule fois que je l'entends pas du tout, mais vraiment pas du tout. Pourtant, je parle, hein. Ah bah ouais, bon, vite fait. Hein. Tu sais, le mec, tu l'entends pas, il dit, mais pourtant, je parle. Mais ce micro est fermé, c'est pour ça, Vince. Bon, Nemo qui demande sur, par SMS au 3044 qu'on peut venir demain à Fun. Ouais, Nemo, tu peux venir demain à Fun, y a pas de problème. Donc je vous rappelle, envoyez le mail à david@funradio.be ou si vous voulez, vince@funradio.be. Y a pas de souci. Tout de suite sur Fun, c'est le son de Pep & Rush avec Love the One You Are With. Et juste après, on aura Moko B avec J'ai trop dansé en direct de la Grenouillère à Hatt. C'est le Summer Break, les amis, faites du bruit. Ouais, ouais. Merci, merci, merci. Slips away because your baby is so far away. Well, there's a road in a busy bus, and the ego flies with the love. You got the love I want you with. Love the one you with, and the ego flies with the love. You got the love I want you with. Ça y est, cette fois-ci j'ai réussi mon coup. Il est plus là. Ouais. Hypothèque Kaufman. Ouais. Couscous pour tout le monde. Ouais. Merci. Bon, très bien. Ouais, on a perdu la connexion avec Vince qui est à la Grenouillère, là, qui est à la Summer Break, soirée Fun Radio. Si vous avez envie de passer, vous êtes évidemment les bienvenus. Qu'est-ce qu'il y a au programme? Bah, on va faire le relou style peut-être. Oui, ça, ça va fonctionner. Tu me le garantis? Ouais, ça va fonctionner. On essaie de d'appeler Vince comme ça au standard, mais Coralie me dit non, ça ne va pas. C'est messagerie. Bon, c'est le messagerie principe du relou style, c'est facile. On appelle des restos et le but c'est de les énerver le plus rapidement possible. Et le chroniqueur qui arrive, eh bien, a gagné. C'est tout simple et c'est maintenant sur Fun Radio. Ok, très bien. On commence avec qui? Bah, c'est toi qui décide. Bah, toi Kaufman alors, c'est parti. Allez hop. Bon, d'accord. C'est toi qui commence alors. Mais c'est toi le champion, toute catégorie. Hein. Je sais, mais c'est pour ça que. T'es le Mike Tyson du relou style, toi. Si vraiment vous n'y arrivez pas, allez, je vous dépannerai, les gars. Dire que c'est l'avant-dernière émission. Après, tout s'arrête. Ah, on retrouve la connexion. C'est Vince qui revient. Il va revenir en plein relou style. Imagine. Ah non, c'est l'eau. Il a pris l'eau. Et sur la scène, moi. Oui, bonsoir. Je pourrais parler au patron, s'il vous plaît. Pardon? Je pourrais parler au patron, s'il vous plaît. Oui, dites-moi. Au patron? Oui, c'est moi. Bah, non, vous êtes la patronne. Moi, j'aimerais parler au patron, s'il vous plaît. Il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de patron. Dites-moi, je suis passé au restaurant, c'était hier ou avant-hier. Je viens vous dire que j'ai écrit une lettre au service sanitaire. C'était tellement dégueulasse que ça fait 2 jours que j'étais malade. Qu'est-ce qui était dégueulasse, monsieur? La nourriture, je viens de vous le dire, madame. Allô? Oui, madame. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Je ne vous entends pas bien. Ben, je vous dis que c'était tellement pas bon que j'étais malade 2 jours. Ah, vous êtes venu manger hier, vous, monsieur? Avant-hier, madame. Et vous avez mangé quoi, monsieur? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Ben oui, parce que c'était dégueulasse pour moi, je pourrais... Non, ce qui est très important, c'est que vous me demandiez d'abord comment je vais, parce que j'étais malade. D'une part. Oui, ben déjà présentez-vous déjà, parce que bon, là ici vous m'avez laissé, alors d'accord. Je ne sais pas si vous avez mangé. Donc en fait, vous prenez les clients de haut. Vous prenez les clients de Pardon? Haut. Vous prenez les clients de haut. Ah, je prends les clients de haut, oui. Voilà, ben voilà, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Déjà, bon, ici, il y a une très grande portabilité, donc bon, voilà, les marchandises ne se traînent pas dans les frigos. Vous jouez à la connasse, en fait. C'est ça. Pardon ? Vous êtes en train de jouer à la connasse. Je n'ai pas compris, monsieur. Vous jouez à la connasse ? Qu'elle bagole pas. J'ai pas compris. Vous jouez à la connasse. Elle en fait exprès, ou toi, je crois. Oui, ben, je ne vais pas m'autoriser à me faire insulter, monsieur. Au plaisir, au revoir, monsieur. Au plaisir. Oh là là, elle a raccroché, Kaufmann. Aïe, aïe, aïe, aïe. Elle est sur la bonne voie, hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Allez, on y va. Qui est tonton Roger ? Non, d'abord toi, dans le sens. Ok, c'est bon, j'y vais. Puis la technique des 2B, je bute ta femme et. C'est vrai. Et quoi ? Et je bute ta femme. Je baisse ta femme et je bute tes gosses. C'est ça, c'est mieux comme ça. Ou le contraire. C'est quand même assez efficace. C'est vrai. Je dois l'avouer, c'est efficace. Mais le français est champion toute catégorie. Merci bien, ça me fait plaisir. Mais va-t-il réussir ? En faisant la technique et tout, c'est pas facile. Pas sûr. Ah, ça sonne. Je crois qu'elle est quand même énervée, c'est pour ça qu'elle décroche pas. Allez, décroche. On appelle le même restaurant là ? Ouais, on appelle le même. D'accord. Allez. Bonjour, absolument. Oh. Ça marche pas, Coralie, mets-moi notre restaurant. Oh non ! Ah, tu veux que je rappelle le même ? Bah oui. Ok, bah attends, je peux tenter le même une fois. Hop, c'est parti. Non, non, pas celui-là, pas celui-là. Ok, bah dis-le moi. Celui en dessous, bah je te l'ai dit. Oh, on dirait un petit couple. Énerve celle-ci. On dirait un petit couple. Elle m'insupporte. Tu mets le même resto partout. Il t'insupporte. Mais le resto partout. Qui se prend. Et c'est pas parce que Vince a été gentil qu'il t'a autorisé de faire le standard qu'il faut y aller là. Hein. Non, mais c'est Barbet, c'est pas Vince, tu vois. Va te calmer. Va te calmer. Tu te calmes. Tu te calmes. On t'entend plus. Je crois qu'il a dit connard. Ah bon? Non. En fait, on joue le rôle hostel avec Coralie ce soir. J'ai gagné alors. Ah non, c'est Kaufmann. Elle veut plus répondre. Non, bon, elle change dans les sauts, c'est après, bon. Après, change. Coralie, je peux prendre le premier ? Oui. Merci. Et à mon avis, le patron est en train de s'exciter. Allô, Bruxelles ! Allô, Bruxelles ! Non, il m'a dit, c'est bon, animé, il peut plus. Ah, il peut plus ? Plus de réseau. Il n'y a plus rien. Il est sous l'eau. Oui, il est sous l'eau. Allô ? Oui ? Ouais, tu m'entends ? Oui. Ouais, tu peux me passer le patron, s'il te plaît ? Oui, c'est de la part de qui ? Ouais, c'est, t'inquiète pas, il me connaît. Tu dis de la part de Roberto. Roberto. Allez, dépêche-toi. Allez. Allô ? Ouais, c'est le patron là ? Oui. Ouais, c'est Roberto, tu me reconnais ? Non. Tu me reconnais ou pas, connard ? Connard, est-ce que tu me reconnais ? Et il va fort. Oh putain. Mais attends, d'habitude t'es beaucoup plus subtil. Mais oui, mais là j'arrive pas, là, ça m'énerve. Pourquoi tu n'y arrives pas ? Je ne sais pas, j'ai envoyé Coralie. Dis-nous. Non, j'envoie Coralie là. Non, elle veut pas jouer elle. Mais si, elle va jouer Coralie. Allez. Bah non, si. Si tu veux faire le standard chez Mike Open Space, tu joues. Non, je veux jouer contre Barbet. Non, t'inquiète pas. Allez. J'ai déjà gagné. Allez, tu joues. J'ai pas de casque. Mais si, il est à côté de toi. Allez, hop. Allez, dépêche-toi, ça sonne. Coralie. Ça va être très bien que je vais perdre. Oui, on le sait que tu vas perdre. C'est normal, c'est un jeu que j'ai inventé. Il est pas fait pour toi. T'es folle. Allô. Oui. Oui, pourquoi vous raccrochez comme ça au prénom, au nez de mon compagnon ? Au prénom de mon compagnon. Je ne connais pas. Pardon ? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas ? Bah non, vous ne connaissez pas, on est venu manger chez vous, vous êtes un restaurant, donc vous ne connaissez pas tous vos clients, il me semble. Ce qui me semble un peu logique, voilà. Donc moi je vous appelle parce que voilà, on est donc venu manger, il a voulu vous parler parce que ce qu'on a mangé était vraiment dégueulasse. On a été malade toute la nuit et toute la journée d'aujourd'hui, on est venu manger hier. Et donc voilà. Elle est vraiment malade. Et donc voilà, franchement, je trouve que ça se fait pas et c'est vraiment, vous êtes vraiment une bande d'incompétents. Ça t'amuse. Mais ça m'amuse pas du tout, monsieur, je suis très sérieuse. Alors, ne rigole pas. Hein. Mais je rigole pas, j'étais en train de tousser, je vous signale. Donc faites attention à ce que vous dites, quand vous ne savez pas, vous vous taisez, merci. Il est fâché. Il est fâché, c'est presque gagné, mais c'est pas tout à fait gagné. Non, c'est pas gagné encore. J'espère que tu vas pas parler aux gens comme ça pour le morning. Hein. Allez, tonton Roger, t'es prêt ? Ouais, ouais. Allez, c'est parti. Ouais, la technique des 2B, je vais y aller. Oui, à fond. À fond, comme il dit. À fond. Comment est-ce que tu aimes qu'on te... À fond. Non, arrête. Mais j'ai dit quoi ? Qu'on te gratte. À fond. T'es pervers, toi. T'as l'esprit pervers. C'est qui parle ? Bah, David. Allô ? Voilà. Ça a été bref, tonton, hein ? Il a raccroché direct, il nous a reconnu, je pense. Un autre resto, Coralie. Voilà. Merci, Coralie. De rien. Allez, tonton Roger. Et si tu n'y arrives pas, tonton Roger, c'est perdu pour tout le monde. C'est l'amour fou entre vous deux. Hein. Oh, ne parle pas de lui, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a à suivre après ça ? Bon, vous avez vous galochez, donc. Ouais, tu parles jamais de la vie. Qu'est-ce qu'il y a à suivre ? Je galoche personne qui est là. Allô ? Bonsoir. Oui, bonsoir. Je pourrais parler au patron ? Le restaurant, la cucina, bonsoir. Oui, bonsoir, je pourrais parler au patron, s'il vous plaît? Je vous entends très très mal. Puis-je parler au patron? Je suis venu bouffer hier, c'est dégueulasse, j'ai la chiasse. Au moins ça rime. Je vous entends très très mal, monsieur. Je suis venu, justement, parce que je suis malade, je suis venu chez vous hier, c'est dégueulasse, j'ai la chiasse et tout partout, il y en a partout chez moi, c'est franchement scandaleux. Ouais, ça c'est dégueulasse. Vous avez remboursé? Le chef, un instant. Ouais, vite, dépêche-toi, Pecno. Pecno. Non mais non, je sais pas, il t'écoute le plus là. Il dit un instant, il le traite de Pecno. Bah. Allez. Vas-y, enchaîne. Allô, sur ta technique ouais, secrète, ultime. Le caméra pour Roger, c'est les 2B. Il va arriver, calme-toi. Ah non, je suis énervé, moi. J'ai mal mangé hier soir. Allô. Bonsoir, allô. Oui, hier soir, je suis venu bouffer chez vous. C'est dégueulasse, j'ai la chiasse. J'en ai mis partout. Comptez faire quoi, là? Ben, comment tu vas? Bah, qui? Ben. Ben, c'est pas Ben, Pecno. C'est l'oncle Ben, ouais. Ah bon? Non, non, tu me tutoies ou quoi? Attends, tu fous de la nourriture dégueulasse et tu me tutoies. Mais moi, je viens chez toi, je bute ta femme, je baisse tes gosses. et ça va aller, là. Bonsoir, monsieur. Mais oh, oh, je suis venu bouffer hier, c'est dégueulasse, j'ai la chiasse. Ah, perdu pour tout le monde. Monde a perdu. Oh, c'est triste là. Ouais. Oh, bah, c'est sûr ça. Que c'est surtout la fin de l'émission et on sent que, bah voilà, on n'a pas le cœur à ça, à faire chier les gens. On est triste, on est désespéré. Et puis, dans un instant, on jouera au mot de la fin. Oui, c'est ça, il y aura également l'instant avec Dominique. Ah oui, ça s'est passé quand ça? Ça s'est passé lundi avec Roger et toi, Kaufmann. Ah oui, bah il a été le voir pendant que moi je faisais le malin en studio. Ouais. Tonton Roger, je te répète, a été voir Dominique de Serein. Et c'est dans un instant dans la libre antenne. Juste avant, Mokobé, j'ai trop dansé, c'est le son pour Dabé ça. Écoute bien Kaufmann, tu vas daber. Daber ton front, ouais. J'ai mal au dos, j'ai trop dansé, de minuit jusqu'à l'eau, j'ai dépensé tous mes lots, plus d'essence dans la groupe, y'a la police qui rôde, j'suis dans le futur, j'ai mon bord, le DJ nous a plié, toute la soirée, sur la pluie j'ai bretonné, je suis fatigué, sapé comme jamais, mon parfum dure 24 heures, j'mange un comme jamais, casal sur le nez, j'suis prince nappé, j'ai trop dansé. De 20h à 22h. 22h-23h sur Fun Radio. Ouais, sur Fun Radio, et là je pense que Vince, on l'a perdu, à moins que... Vince ? Ouais, je crois qu'on l'a perdu. C'est inaudible, inaudible, inaudible. Ah, il y a Coralie qui est en train de faire un cours de technique à notre ami François. Ah, c'est pas cours technique, c'est qu'elle me dit il est dans le téléphone, puis après il est mais dans non, le téléphone. C'est pour qu'il puisse avoir le retour en fait. D'accord, mais il veut tu quoi Vince? Coupe le télo s'il te plaît. Il veut rien, il veut parler ou pas Vince? Vince, tu veux parler ou pas? Dis-le moi sur Facebook, ce serait gentil. Merci beaucoup Vince, puisqu'il nous entend. Bon, en attendant, on va se faire peut-être le morceau le plus emblématique de la Libre Antenne. Ça s'est passé lundi. On a un peu joué avec lui, hein. Avec Dominique, ouais, pendant une petite année. Ah ouais. En lui disant Godot en bois, en lui disant la vérité. Et puis lundi, qu'est-ce qui s'est passé, tonton Roger? Eh bien, j'ai été lui faire un petit coucou. Les mecs, putain, allez, 5 ans. Ah, enfin, merci. Ça fait une heure que j'envoie un barbette que j'envoie. Et ça fait 15 minutes que j'envoie et vous me prenez pas là. Ça va les gars? Oui. Et toi? C'est qui non, qu'on accueille à l'antenne au standard? Bonsoir, vous êtes toi, C'est l'homme dont tu as dit que ça faisait du bien de plus l'entendre. Ah oui, bon, maintenant c'est l'auditeur. Alors Barbet, bon, oh, le relou que tout ton Roger là. Alors Barbet, c'est sur quel bouton que t'as oublié d'appeler? Ah mais j'ai rien oublié d'appeler, on a mis au téléphone et j'ai cru que tu voulais parler par le téléphone, donc du coup j'étais resté en téléphone. Je voulais vous entendre, mais voilà. J'ai effectivement que, en fait, je comprends les auditeurs, hein, on vous entend pas par le téléphone, c'est un truc de dingue. Hein. Enfin bref, tout va bien les amis, on est en direct, il y a de plus en plus de monde, c'est de plus en plus de bordel, j'ai envie de faire un test sur la scène après. Alors c'est un truc de ouf parce qu'il y a 2000 personnes qui sont là ici, ambiance de folie là pour l'avant-dernière de l'émission. Alors, chose que je dois préciser. On m'a demandé si j'étais chaud pour reprendre le contrôle des platines à 23h. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais j'ai demandé si c'était possible de prendre la température des gens. Donc, dans quelques minutes, ce qu'on va faire, c'est que je vais monter sur scène. S'il y a des coupures, des petites coupures, c'est normal, vous inquiétez pas. Et on va un petit peu prendre la température de ce qui se passe. En attendant, j'ai entendu Kaufman préciser que d'ici quelques minutes, on va se faire le moment où Dominique a rencontré tonton Roger. C'est bien ça, ouais. Ah, moment magique qui s'est passé lundi dans la Libre Antenne. On se le fait quoi maintenant ou... Ouais, maintenant on peut le faire maintenant, Vince. Eh ben parfait, on arrive tout de suite. Et vos messages au 3044, n'hésitez pas, vous pouvez les envoyer. Faites-vous plaisir. Et d'ailleurs, il y a quoi comme musique qui arrive juste après, François Zich? Justin Timberlake. Ah, Justin Timberlake, merci à Corinne de m'avoir envoyé. Justin Timberlake. Justin du monde entier. Justin Timberlake. Voilà, dorénavant quand j'ai croisé une Justine, dont celle du morning, je vais l'appeler Justin. Ça va être sympa. Bon, allez, Justin Timberlake tout de suite sur Fun Radio Libre Antenne. On arrive avant ça, Dominique. Oui. Yeah. Ouais. Yes. Ok, Vince Libre Antenne. Vince. Yeah. 20h-23h sur Fun Radio. Mino. Oui. Je suis là. Comment ça alors? Je suis devant. Tu crois que je t'ai pas vu sortir une première fois? Ah bah sort. Avec ton jogging bleu. Ah bah quoi? Qui tapette va. Attends. Il sort. Ça c'est le premier soir. Je te vois. Hey, t'es où là? Je te vois là, hein. La vérité. T'es énervé, hein, la vérité. Ouais, mais j'arrive tout de suite, t'inquiète pas. Ça va? Oui. Attends, moi, je me mets cette patrie, ne bouge pas, hein. Non, mais... Ouais. Il a peur. Oh, il a raccroché, Oh, attention, Roger, on est connecté avec toi. On écoute. Oui, y'a pas de problème. T'es devant sa maison, hein. Est-ce qu'il y a une batte? Je suis devant. Ok, d'accord. Est-ce qu'il se dirige? Je vais faire quoi? Attends, t'es debout, t'es assis, tu fais quoi là? Je suis debout, je fais semblant, je vais prendre des plans. Ok. Et tu nies, t'es pas au courant. Il a juste ouvert sa fenêtre. Ok. Ok. Et il m'a vu. Tu nies, hein. Il l'a vu. Oh putain. On écoute. Oh la pression. Allez. Le troll du siècle. Ouais. Et les auditeurs qui m'appellent en double appel. Non, ils s'appellent. Les auditeurs qui ont le numéro de tonton Roger, n'appelez pas. Faut pas que ça. Et tu dis rien. Hein. Dis rien. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Qui? Comment? Attends, je m'entends. Non, mais moi je m'appelle pas Patrick. Hein. Non, rien. Monsieur, je m'appelle pas Patrick moi. C'est sûr ou ça? Bah oui, je suis sûr, je m'appelle pas Patrick. Qu'est-ce que tu fais là devant la maison, là, tu viens de m'appeler là, avec ton téléphone? Non, je suis ici avec le régisseur, on va tourner un film dans le coin, on fait des terrains. Il est con, bah on m'a dit qu'il était dans le quartier, putain. Il est con. Je suis dans le quartier, je prends des photos pour un terrain, je fais un film. Je prends des photos pour un terrain, monsieur. Salut. J'ai pas envie de commencer à gueuler. Mais pourquoi vous me tirez? Mais arrêtez, lâchez ma vie. Tu me le passes ça chez nous. Lâchez-moi, monsieur. Qui êtes-vous? Eh, grand, si jamais ça tombe, Mais tu es bon, je vais voir ta carte d'identité tout de suite. Je te mets une lâche. Écoute, je sors dedans pour mettre une. Ta carte d'identité, mais j'ai pas mes identités avec moi, moi. Je m'appelle Roger. Tu parles à qui dans le téléphone? Là, je vais parler avec mon régisseur. Ah, je peux l'avoir deux secondes au téléphone? Bah, vous voulez avoir mon régisseur au téléphone? Ouais. Sébastien. Sébastien, il veut vous entendre. Oui, allô? Que se passe, mais que se passe-t-il? Un petit instant. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Que se passe-t-il en fait? Je parlais avec mon collègue là. Non, je suis désolé parce que je pensais que c'était un guest de Patrick. Qui me faisait des blagues. Non, mais je comprends pas. C'est qui Patrick? Non, c'est rien. Non, y a pas de problème. Mais je vais lui réparer son. Il peut venir amener son blouson là parce qu'il est un peu déchiré. Monsieur, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais t'as qu'à apparaître sur le sol chez moi. Écoute. Tu prends ton putain de 4x4 là, tu dégages ici. Et à un moment donné, on est quand même ici en Belgique, je suis dans la rue, monsieur. Il n'y a pas de problème avec ça. Le moment où je te dis, j'ai mis mes claquettes pour venir te trouver parce que t'es peut-être bon chez moi. Maintenant, je suis pris pour quelqu'un d'autre. Bon, je suis pris pour quelqu'un d'autre. Oui, mais enfin, monsieur, vous m'avez abîmé ma veste et tout ça. Mais bon, écoutez, je suis quand même ici sur la voie publique. Ta veste, tu la donnes à ma femme. Ma femme, elle est là-bas. Eh ben non, elle est neuve. Par coup, c'est un joueur. Repars. Écoute, à un moment donné, t'as qu'à pas te mettre devant chez moi. Moi, c'est que c'est la voie publique. Tonton Roger, casse-toi. Repars. Tonton Roger, pars. Dis rien et pars. Attends, je te rappelle, il y a des connards qui connards. Ben, il y a des connards là qui se font un peu pour Patrick et le gars m'a dit je suis devant chez toi. Tu comprends? Et si ça se trouve, c'est eux qui t'ont embauché pour faire le film. Non. Mais non, c'est quelqu'un très connu. Mick devient Pardo. C'est qui? C'est quelqu'un très connu. De toute manière, le truc c'est simple. Hein. Je m'excuse pour avoir, je m'excuse de t'avoir. Pourquoi il était avec une histoire de régisseur? Je suis un dangereux, moi. Hein, et dans le quartier, on me connaît. Hein. Moi je ne connais personne dans le quartier, je les vois ici pour des repérages. Moi je te vois que quelqu'un m'a dit qu'il voulait m'enlever. Des gens voulaient m'enlever, là. Et m'enlever? Me capturer? Moi on ne capture pas, grand. Et il faut raconter ça, c'est une belle histoire. Comment ça? On peut faire un film. Non, t'es fou, quoi. Fais-moi chaud, c'est pas ça, on va devoir parler du bazar. Non, ma femme m'intéresse pas. Mais écoute, deux secondes, je te dis. Deux secondes, pour ça, t'as rien à voir. Vous avez une carte de visite? Ouais. Non, j'ai plus ça. Vous avez pas m'écrire sur un petit bout de papier, comme ça, je vous téléphone. Parce que là, je vais rentrer, vous m'avez un peu stressé. Ouais, je peux comprendre. Maintenant, je m'excuse. Mais il faut plus venir ici. Moi, je veux pas contrôler, mais si on veut. Mais écoutez, ça, c'est la commune qui nous a proposé. Oui, c'est moi, rien. Oh, mais enfin, c'est la commune, écoute. C'est pas moi le chef. Moi je fais des repérages. Pas de problème. Si ton chef n'est pas content, qu'il vient chez moi. Maintenant, tu prends tes clics. Vous pouvez me donner un petit papier avec votre numéro de téléphone, une fois. Je vais te donner ça. J'attends et je m'apprête à partir. C'est comme dans le Fort Boyard, faut le dire de sortir. C'est pour faire quoi? C'est pour donner à ton chef. C'est pour pouvoir voir, pour la réparation de mon blouson. Ouais, ça va. Attends deux secondes. J'arrive, je vous attends. Je me garde devant chez vous. Sors, tonton Roger, sors. Prends la clé. Va dans ton véhicule. C'est ce que je fais, une seconde. Attends, il a pété ta veste? Oui, mais c'est pas grave. Ah putain, le... J'ai pris une vieille veste. Oh le con, il a pété sa veste. Oh putain, la vache, il est violent lui. Quand même. Attends, on le rappelle, de notre côté. Il est où là? Il se passe quoi? J'attends qu'il sorte de nouveau. Il m'écrit un petit papier avec son numéro. Ah. Mais bon, j'attends qu'il sorte Mais rappelle-le. Et j'écris la vérité. Et rappelle-le, on va créer tous ensemble la vérité. Monsieur, la vérité, c'était Patrick. Je suis parti, je suis parti. Faut vite rappeler. Oh putain. Oh, c'est génial. Il a couru loin derrière moi. Hein. Attends, on le rappelle. T'as pas le truc de Fantomas quand il se casse Fantomas à la fin? J'ai mal au coude. T'as pas le générique de Fantomas quand il se casse à la fin? J'ai pas, mais attends, on le rappelle. On l'appelle. Allez, croche. Il est dégoûté. Il a vu Patrick. Allô. Mais c'est un peu droit de savoir. Je le donne con. Aujourd'hui. Je savais que c'était à toi. Tu vas pour blouson là. Tu vas te le faire foutre. C'est un peu droit de savoir. Reviens, je t'en supplie, reviens, on fait la paix. Allez, reviens, on fait la paix. Putain les gars, j'allais lui en mettre mon rêve à la réalité. Tu promets, s'il te plaît. Tu promets qu'on fait la paix. Reviens maintenant, on fait la paix. On fume le calumet de la paix. Alors. Ouais, promets. Allez, reviens, s'il te plaît. Je suis pas sûr. S'il te plaît. C'est parce que j'ai pas d'essence dans ma camionnette. Hein. Mais mon ami, j'aurais fait une course pour ceux qui t'auraient rien compris toute ma vie. Et là, ça va loin. Soit ça va loin, tu viens au chez là. Mais t'es un fou. Et tu m'inventes ton histoire de film. Et les gars, et moi, je veux pas être kidnappé. Hein. Et moi, maintenant, je tire. Hein. Et l'autre, là. Et moi, je vais pas être peur. Et moi, j'en mets une. Hein. Dis Roger de passer, vas-y. Allô. Moi j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Je commence par quoi? Écoute, moi, je veux que ton ami, il revienne maintenant. Parce que ce que tu ne fais pas, c'est que ton homme, il est pas si con que ça. C'est ton homme, il a mis des caméras. Et ton homme, eh ben, il a pris le numéro de plaque de ton gentil monsieur. Merde. C'est pas le truc. Eh, grand, t'es niqué, vieux. Je sais, je raccroche avec toi, j'appelle le général, là, directement de la police, et il va directement me dire qui c'est. Et tu veux pas écouter ce que j'ai à te dire? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Ouais, mais y a pas de bonne, y a pas de bonne, j'ai des mauvaises. Très, très vous êtes des malades, les gars. À un moment donné, vous êtes des malades. Vous venez devant chez moi, et vous êtes fous. Et là où il y a ma femme et mes enfants, et vous n'avez pas peur du danger, je t'ai deux doigts de tirer dessus. Bah, t'es fou, toi. Et t'as vu la force que j'avais là quand je t'ai mis par terre. Ah ouais. Eh ben, et je me voyais, là, je suis en train de me voir, en train de te mettre des pains dans la gueule. Hein, et pour ma mère, comment t'es fou. Le gars, il est fou. Je vais tomber dans la pomme. 10 secondes, il a dansé. Mais vous êtes fous, les gars. Et moi, je tire la poisson. Je suis en train de revenir. Il faut qu'il klaxonne. Ah ben, reviens. On fait la paix. On fait la paix. Tu promets. Je te donne mon... Ouais, reviens. T'es gentil comme un poussin, d'accord? Ouais, reviens. Tu sais quoi, reviens. Je suis devant. Rien que pour toi, dodo. Attends, écoute, Roger. Allô? Ouais. Je suis devant, je t'attends, là. Ça, c'est Roger qui sonne. Arrête de klaxonner comme ça, comme un baraquier. J'arrive, hein. Klaxon. Allez, viens. On fait la paix, hein. Oui, petit poussin. Voilà, j'arrive à tout de suite. Ça va être le bordel. Roger, on est en connexion. Oui, allô. Je repasse, je suis devant chez lui. Merde, attends, je pense qu'il faut pas qu'il m'oublie. Il est toujours. Merde, c'est un bordel. T'es où là? Hey, je suis devant. Viens derrière. Viens. Non, moi je mange pas de ce pain là, je vais pas par derrière. Moi, on entend cloxonner dans le téléphone. Là. Viens, fais le tour par derrière. Viens deux secondes là. Je te vois là. Viens par derrière. Non, tu vas tirer dessus. Non, du tout, très casse, on va faire la paix, viens. Allez, viens, je t'attends, ça va? D'accord, je fais le tour. Viens, parce que je fais le tour. Voilà, mais tu vois, comment tu vas? Là, c'est ma carrière. C'est ouais, moi. Ouais, ah, je t'ai vu. C'est pas vu. Viens. Coucou. Viens. C'est Kaufman. Viens, mon ami. les gars, venez, on va les attraper. Coucou. Ils sont plusieurs. C'est moi. Coucou. Je vais dans son jardin. La vérité. Allô, tu vas dans son jardin. Il va ouais. Roger va dans son jardin. Je t'entends. Allô. Oui. Viens, fais le tour. Mais non, enfin, on reste dans ma voiture. On fait pas chier les voisins. On va faire la paix. Tu veux que je klaxonne? Vas-y, je klaxonne encore un coup. Non, viens, fais-le sérieux. Encore? Appelle les autres. Allez, appelle les autres. Allez, je les appelle avec toi et je klaxonne. Viens. Dominique, président. Oh, mais attends, on a perdu Dominique. Ouais. Du coup, ce qui se passe chez Roger? Je surveille dans mon rétroviseur et tout. Ouais, attention parce qu'il a raccroché, on a perdu Dominique là. Ferme ta porte. Ferme tes portières et tout, il peut débarquer, fais gaffe. Est-ce qu'il a un gilet pare-balles? Tu peux filmer en marche arrière aussi, en caméra arrière ou pas? Non, je sais malheureusement pas filmer en caméra arrière. Merde, non, on a que la caméra avant. Pas en marche arrière et tout, comme ça on peut le filmer. Mais tu rentres dans son jardin, c'est tout. Il est déjà en marche arrière. Il est là ou pas? Tu le vois ou pas? Je vois plus, il s'est caché dans son jardin, je crois qu'il est en train de chercher ses potes. Fais gaffe qu'il sent pas un truc avec deux ou autre. Ah c'est chaud. Non mais je surveille. Honnêtement on a beaucoup rigolé mais là je commence à avoir peur pour tonton Roger. Hein. Et tonton Roger il prend des risques de. T'as vu l'armoire à glace que c'est tonton Roger? Ouais mais face à une balle de flingue. Mais sort ton fusil. Sort ton fusil, tonton. Et tu vois rien apparaître tonton Roger, y'a rien. Regarde dans ton rétro. Mais je regarde en rétro, ils sont cachés et tout, je ne vois rien. Il a peur. Attends, parce qu'il était pas tout seul, il a appelé. Il était seul quand il est sorti. Là, il est sorti dans son jardin, je crois qu'il a été appelé son cousin, son beau-frère, je sais pas quoi. Putain. Enfin, je m'apprête à partir, j'ai plus qu'à lâcher le frein et j'avance à toute vitesse. Ok. Tu veux qu'on le rappelle ou pas? Il faut peut-être te rappeler pour dire que je commençais à fatiguer, quoi. Attends, on le rappelle. Tonton Roger, tu parles pas sauf klaxonner, hein. Ouais, tu klaxonnes juste, Tonton Roger. Juste klaxonner, il faut pas parler, hein. Fais gaffe parce qu'il peut, il peut surgir par. Il essaie de choper par derrière. Moi, c'est ce que j'ai peur, honnêtement. Attention, Kaufman. Allô. Il n'est pas Kaufman, hein. Ah, putain, il a grillé son nom, le con. Ouais. Non, je veux dire. Lui. Allô. Allô. Oui. T'oses pas sortir? Ouais, viens. Mais viens par derrière. Mais viens je par devant. Non, viens. Écoute-moi bien. Il y a des gens, il y a des témoins, j'ai pas envie. À mon signal, je vais donner deux coups de klaxon. Et quand je donnerai deux coups de klaxon, quand je donnerai deux coups de klaxon, quand je donnerai deux coups de klaxon, tu dois sortir, Dominique. C'est le signal. Mais grand, moi je te vois, je suis juste à l'arrière, espèce de fils de putain. Mais je te dis juste de faire ma chérie. Je donne maintenant deux coups de klaxon. Viens. Deux coups de klaxon. Viens maintenant. Hey, tu viens maintenant. J'ai dit deux coups de klaxon. Maintenant, tu fais demi-tour et tu fais demi-tour et tu me vas voir sur l'autoroute, sur la route. Ah là, je te vois. Allez, viens. Viens maintenant. Et arrête-toi là ici. Et on fait la paix. Et t'as ma parole qu'on fait la paix. Est-ce que tu préfères pas d'abord avoir la bonne et la mauvaise nouvelle? Je veux rien savoir de ça. Je veux que tu viennes maintenant qu'on parle comme des hommes. La bonne nouvelle. Et on se met derrière mon jardin. Je commence après, par la bonne. Ça va te faire plaisir. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fin de notre histoire, Dominique. Aujourd'hui, c'est la conclusion. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu vas finir dans le ravin, dans le trou que j'ai creusé derrière mon jardin. Donc tu viens, tu fais demi-tour, devant aucun témoin, et tu viens, et tu descends ton pick-up de merde, comme un homme. Parce que moi, je te connais, je vais venir, et tu vas accélérer comme un coup. Non. Alors, si t'es un homme, tu sais quoi, viens, on va faire un tour en voiture. C'est pour moi. Bonne idée, ça. Eh ben, viens, allez, viens, on va faire ça. Ça va? Tonton Dom, s'il te plaît. Viens, allez, je te vois. Tonton Dom, arrête. Mais non, je vais, ah là, je te vois, tu fais marche arrière, c'est très bien. Eh ben, allez, monte encore. Oui, attends deux secondes, je conduis, je sais pas tout faire en même temps non plus. Cachez-vous. Ah, t'es avec quelqu'un? Non, du tout. Tu viens de parler à quelqu'un? Ils vont choper. C'est pas vrai, menteur. Tu essaies de me choper? Ils vont choper Roger. Non, du tout. La vérité, dis-le la vérité. Dis, je le jure, la vérité. Encore. La vérité. Viens, monte encore. La vérité, viens. Tu fais la vérité, fils de putain. Viens, la vérité, viens. Voilà, ça va? Viens, encore. Allez, mais pas peur. Non. J'ai peur. Pas peur de la carrière d'âme. Roger recule encore. Allez, viens, Roger qui recule. Je recule. Mais pas trop quand même, hein. Allez. Parce que j'ai trop peur qu'il m'encule. Allez, c'est pas maintenant. Ah, c'est pas vrai. Ah, ils ont chopé Roger. En même temps, il reste plus que deux jours d'émission. Hein. Non, c'est horrible. C'est horrible. On t'entend plus rien. De 20h à 23h, Vince vous parle sur Fun Radio. En même temps, vous avez déjà entendu un animateur radio qui ne parlait pas? Dans moins d'un quart d'heure, Mike et la team Open Space débarquent pour retourner la Belgique sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les soirs, dès 23h, Libertad, l'Open Space avec Mike sur Fun Radio. On a entendu ton très joli timbre de voix. Ah super, mais mon timbre de voix est magnifique. Vas-y, fais-moi une petite chanson pour le kiff là pour débuter l'émission, Laura. Spider cochon. Il peut marcher au plafond. Et est-ce qu'il peut faire une toile? Ah ben que non, c'est un cochon. Regarde, Spider cochon est là. Je crois qu'on a trouvé Homer Simpson de Charleroi là. Rencard ce soir à 23h pour le retour des délires sur Fun Radio. L'Open Space avec Mike. Le soir sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. You keep on taking me higher. Taking me higher. Oh,